disciples, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte, volontairement ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Bah, dites-le plutôt clairement. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 6, épisode 26. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie@protonmail.com. Je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie@protonmail.com. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le forum eelb.su pour Europe Écologie Les Brins, donc eelb.su. Alors actuellement, nous sommes en phase de mise à jour, parce qu'il faut tenir tout ça au carré, donc ne vous inquiétez pas si le site, si le forum est temporairement suspendu. Nous avons aussi des petits problèmes récurrents avec les inscriptions de certains membres, donc on travaille là-dessus, donc ne nous en voulez pas, et très prochainement, le forum sera de retour, victime de son succès d'ailleurs. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Deuxième point, c'est la fin du nom de domaine en .quest, que j'aimais beaucoup, et qui est désormais remplacé par un .blog, B-O-L-G, comme un blog, hein, tout simplement. Alors, si, je l'ai déjà dit, mais je le précise, hein, si jamais le nom de domaine disparaît des radars, vous ne savez pas, bah, écrivez-nous à l'adresse que je viens de vous citer, bien sûr. Et pour ne pas subir, en fait, pour ne pas avoir à faire face au désagrément de la censure du nom de domaine par le gouvernement français, parce que vraiment, on est, grosso modo, hein, tous les mois, le nom de domaine saute. C'est la règle du jeu en démocratie, n'est-ce pas? Eh bien, dotez-vous d'un VPN. C'est très utile. Ou alors, peut-être même encore mieux, téléchargez gratuitement le navigateur de Tor, T-O-R, c'est gratuit, Google, Tor, et ça vous fait un navigateur, et vous rentrez ensuite l'oignon, c'est comme ça qu'on appelle en fait hein, un site sous Tor, l'oignon du site, et vous pouvez le contacter, l'atteindre en permanence sans avoir à redouter de la censure. Là, ce sera définitivement acquis pour vous. Donc, VPN, navigateur Tor, au choix, mais c'est une recommandation sur laquelle j'insiste, notamment si vous vous tenez au courant des législations qui viennent récemment de passer, sur la surveillance, sur le net, donc franchement, moi je vous invite à opter vraiment pour un VPN si c'est pas le cas. Après, bon, il y a des personnes qui sont vraiment, vraiment, vraiment pas familières avec tout ça, donc ça leur paraît, voilà, ils ne veulent pas s'aventurer là-dessus, bon, voilà, c'est comme ça. Donc, en point blog. Je vais procéder à la présentation des membres de la semaine. Est avec nous cette semaine Hauptmann America KKK. Comment vas-tu, Captain? Je vais bien, Gandalf. J'espère que les auditeurs se portent également bien en ce magnifique mois de juillet. Et j'espère aussi que notre équipe favorite de Guingamp est prête pour un magnifique championnat l'année prochaine. C'est vrai. En avant Guingamp. En avant les nègres. En avant les nègres. Est avec nous aussi cette semaine Fulbert, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Salut Fulbert. Bonjour Gandalf et bonjour à tous. Est aussi avec nous cette semaine Pierrot. Pierrot qui prendra ensuite quelques petites semaines de vacances bien méritées, donc une absence rapidement, je préviens nos auditeurs. Du coup, ça, c'est ta dernière émission de l'année au sens non conventionnel du terme, enfin de l'année active, on va dire. C'est ça, avant un petit voyage en Israël, donc j'espère revenir en pleine forme. Voilà. Bonjour à tous. Se ressourcer un petit peu à Elat, ça fait toujours du bien. Et enfin, est avec nous cette semaine aussi le docteur Porovitch. Comment vas-tu, cher Poro? Très très bien, je vais très très bien. Bonjour à tous. Porovitch attend avec impatience son shoot de Pfizer. Il m'en a parlé un peu hors émission. Il m'a dit là je commence déjà, je tremble là, j'ai des manques là, j'en ai besoin, il me le faut. S'il tremble, c'est peut-être qu'il a déjà eu son shoot. Oui, mais j'attends ma quatrième dose. Voilà, quatrième dose, ouais. Ne rigolez pas, hein. Ils ont annoncé que pour les gens qui souffrent d'immunodépression, la quatrième, c'est pratiquement inévitable à ce stade, quoi. Bon, alors... En fait, c'est pas compliqué, hein. Il y a une dose par vague, donc on va aller vers la quatrième vague, je pense, l'année prochaine, donc voilà. Quatre doses. C'est quatre doses par vague. Je te tiens au courant, quoi. C'est un petit peu différent. Et, dans les orteils bientôt. Oui, entre les orteils, oui. Comme les héroïnomènes. Et Alexis nous rejoindra en cours d'émission, bien évidemment. Alors, les petits gars, avant de commencer l'émission en tant que telle, on va remercier les donateurs qui nous soutiennent tout au long de l'année, bien sûr. Qui ne se manifestent pas nécessairement, mais bien sûr, merci à vous. Alors, je sais qu'il y a un imbroglio sur l'adresse des wallets. Alors, nous avons l'ancien wallet et le nouveau wallet. On va faire une clarification là-dessus. Donc, ne vous inquiétez pas, s'il y en a une ancienne et une nouvelle, c'est parfaitement normal. Ceci étant dit, il est préférable de le faire sur la nouvelle. Si jamais vous en avez fait un sur l'ancienne, ça marche aussi. Mais voilà, c'est préférable de passer sur la nouvelle. Enfin, une petite mise au point qui sera faite là-dessus. Donc, merci à tous nos donateurs qui nous permettent de continuer. Et vous pouvez le faire si vous le souhaitez, c'est-à-dire nous écrire pour qu'on vous remercie à l'antenne. Premier don, bonjour, ça c'est Fonfifonfec qui nous écrit. Bonjour, merci pour votre travail. Pourriez-vous me confirmer par courriel la bonne réception de mon premier don de 0,1 Monero envoyé ce jour? Cordialement, et c'est Fonfifonfec qui nous l'envoie. Oui, ça sera confirmé. Si jamais vous nous avez demandé une confirmation de don et que par hasard vous ne l'avez pas reçu, il est possible que votre courrier soit passé en spam, auquel cas, réécrivez-nous, il y a une personne qui nous a réécrit, on va confirmer, réécrivez-nous pour qu'on confirme le don, on le fera. Donc, n'hésitez pas, hein, cette semaine, envoyez-nous un email si vous avez besoin d'une confirmation, ça sera bien sûr avec plaisir. Donc, merci Fofifonfec pour ton don, j'adore ton pseudo, il est très marrant à prononcer. C'est très rigolo, je trouve. C'est excellent, c'est excellent. Là, c'est bon. Fifi Favier, quoi. C'est génial. Ah, c'est génial. Alors, le don numéro 2. Bonjour à toute l'équipe de DP. Je viens de vous faire un don de 0,5 Monero, donc qui sera dorénavant mensuel. Merci à toi. Je vais donner le nom de notre donateur. Hein. Ma situation financière actuelle étant plus confortable depuis que je me suis enfin décidé à me lancer dans le minage de crypto, me permet de vous soutenir de façon sereine. Ce don mensuel prendra fin le jour où le fier drapeau de la Grande Bourgogne Blanche flottera avec panache sur ces magnifiques terres plantées dans le corps en putréfaction des traîtres et surtout des boomers, avec camarades et ces blancs bourguignons. Faut vraiment que je fasse un petit mapping de la situation bourguignonne parce que je vous dis que c'est un projet qui a de l'avenir. Mais là, j'ai plusieurs fers au feu. Mais oui, il va falloir y venir absolument. Don numéro 3. Après un certain hiatus, je viens de vous envoyer, il y a quelques minutes, une donation de 0,3 Monero. Il y a des frais de transaction de 0,2, enfin des pouillèmes quoi, de frais. Monero coûte très peu cher en fait en frais de transaction, contrairement à Bitcoin, et alors contrairement à Ethereum, où c'est juste scandaleux. Quoi. Mais je ne sais pas s'ils ont été déduits du montant que vous avez reçu. Dans un cas comme dans l'autre, veuillez me faire savoir si vous avez reçu mon don ou non, et avec quel montant. Et c'est signé Bofix. Ça sera fait, Bofix. Merci pour ton soutien. Et merci encore une fois à tous ceux qui nous soutiennent. Il y a eu un article sur Europe Écologie Les Brins. Alors là, le forum, il y a une mise à jour qui est faite et tout. Alors il faut tout remettre au propre, dirais-je, mais il y a un article, un post, on va dire, un thread, un fil, qui est passé sur ELB, qui justement parle de la façon la plus anonyme pour acquérir des Monero. Alors vous savez, ici on promeut Monero au départ, évidemment, pour recevoir des dons, parce qu'on est sous la pression constante des autorités françaises, et du gouvernement, et des juifs, ça va sans dire. Mais, et j'insiste, la vocation de Monero déborde très largement ce seul usage. Vous devriez vous familiariser non seulement avec les crypto-monnaies, mais avec Monero, qui a pour valeur ajoutée de garantir l'anonymat des gens qui font des transactions les uns avec les autres, ainsi que le montant de ces transactions. Ça peut être très utile pour des entreprises qui n'ont pas nécessairement envie que tout se sache de leur activité. Je n'appelle pas à rien déclarer, je dis simplement, voilà, pas nécessairement toujours obligé de tout dire à tout le monde. Ça peut être très utile. Et vous avez un site récemment dont je fais la connaissance qui s'appelle anima.fr, je ne sais pas si vous avez vu ça, qui recense en fait toutes les entreprises qui refusent de ségréguer leurs clients sur la base de la vaccination ou de la non-vaccination. J'ai trouvé cette initiative excellente. Alors, il y a de tout puisque l'inscription est libre, mais vous avez quand même des médecins généralistes, vous avez des gens qui fournissent du bois, vous avez des plombiers chauffagistes, vous avez des gens de tous horizons. Donc, je vous invite à vous référer à ce site-là. Et parmi ces personnes-là, parmi ces entrepreneurs-là, moi je leur dis, attention, Monero peut vraiment vous servir. N'hésitez pas à passer par les crypto-monnaies. On est en 2021, on n'est plus en 2020. Nous allons vers on va vers la suppression du cash. Christine Lagarde m'explique à tout le monde. On va vers la suppression du cash. Vous allez avoir un euro digital pour surveiller toutes les transactions et taxer tout le monde à outrance. Et savoir ce que vous faites avec votre argent. Bien. Monero vous permet de contourner cela. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que Tortue Transgenre, c'est un pseudo très rigolo, au niveau pseudo, ils sont très imaginatifs hein, sur Europe et l'écologie des brins. Tortue Transgenre a expliqué que Local Monero était une façon d'acquérir anonymement des Monero. Donc ce n'est pas limité au site, c'est pas limité aux personnes qui veulent nous faire des dons. Monero a une vraie application concrète, surtout en ces temps de surveillance généralisée. Donc vous avez des moyens d'en acquérir anonymement, de payer anonymement, mais il faut qu'on développe cette demande. Il faut qu'on milite pour l'adoption de Monero. Donc voilà, je voulais faire passer ce message, je le fais passer pratiquement à chaque émission, mais j'y insiste, on a des moyens à notre disposition, utilisons-les. Voilà. Et c'est gratuit d'adoption. Voilà, vous avez juste des tout petits frais là, infiniment moins élevés que ce que vous avez sur les cryptos par ailleurs admises, hein, comme Ethereum, etc. Donc je suis un peu lourd, un peu pesant, mais je comprends pas, par exemple, si vous voulez, pourquoi, parce que vous savez, dans les milieux alternatifs, notamment écologistes, où ils aiment bien être un peu, avoir leur propre réseau, je comprends pas pourquoi ils font pas la promotion de Monero, je comprends pas du tout, quoi. Parce qu'ils utilisent l'électricité, c'est mal, hein. Bah, qui pédale. Ça fait du réchauffement climatique, hein. Qui pédale, qu'ils installent des moulins à vent, j'en sais rien, mais qui trouvent une solution. Enfin bon, bref. Alors voilà. Des pédales qui pédalent. Tout à fait, c'est bon pour la planète. Alors les petits gars, passons à notre rubrique numéro 1, courrier des lecteurs. J'adore cette rubrique, une de mes rubriques préférées, puisque là on crée une relation directe avec nos auditeurs et nos lecteurs. Et on a des gens qui passent le cap, et au fil des émissions, Dieu sait qu'on en a lu des témoignages, et il y en a eu des très exaltants. Et cette semaine, ne déroge pas à la règle, vous allez juger sur pièce. Alors, vous savez... Comment dire oui, je parlais de la vaccination obligatoire, mais j'en donnerai le motif à l'origine. C'était par rapport à un épisode vidéo en Argentine avec des médecins qui arrivent chez les gens pour les vacciner de force. Et je disais, bah oui, ça arrive. Comment dirais-je, ça peut arriver à des gens dont la propriété n'est pas gardée par des chiens, d'accord. Alors, je comprends que des personnes peuvent avoir des contraintes s'ils sont en appartement, évidemment. Enfin bon, mais c'est quand même bien d'avoir un chien. Alors. Il y a une personne qui nous a répondu, on a déjà parlé de ça, hein, d'adoption de chiens, des gens qui connaissaient très très bien la partie, qui nous avaient fait... Mais c'est bien de faire des rappels, et c'est bien d'avoir des auditeurs qui nous disent leurs propres échos de ça, de l'adoption d'un chien de garde. Alors, je vous lis ce témoignage, en mode self-help, hein, un petit peu. Hein. Alors, bien le bonjour, chers amis. Je vous écris suite au papier dans lequel vous recommandez l'adoption d'un chien. En effet, j'aimerais rebondir sur cette suggestion et y ajouter quelques éléments de contexte afin de vous aider à éclaircir au mieux votre auditoire. Je reprends. En effet, j'aimerais rebondir sur cette suggestion et ajouter quelques éléments de contexte afin de vous aider à éclairer au mieux votre auditoire. Pardonnez-moi si ce courrier devait s'éterniser un petit peu, mais j'estime qu'il est tout à fait capital que nous ayons une discussion entre blancs sur deux et dominateurs sur ce sujet. Pour commencer, je vais renchérir sur le propos de l'article. Oui, et il insiste en lettres capitales, vous devez, encore en lettres capitales, adopter un chien, un grand chien. De prime abord, vous y verrez sans doute les contraintes, les sorties, la bouffe, l'éducation, etc. À cela, je réponds que cet investissement est dérisoire au regard des bénéfices récoltés. Vous avez besoin de traverser un nid de blattes pour aller marcher avec vos enfants au bord du fleuve ? Pas de problème. La seule présence du chien suffira à les maintenir à une cinquantaine de mètres au minimum. Vous vous faites emmerder par des orques. Si un simple aboiement ne suffit pas, enlevez-lui la muselière et délectez-vous de voir leurs immondes faciès se décomposer tout en souillant leurs chaussures. Bien que cette sécurité soit appréciable, c'est surtout en termes d'éducation qu'avoir un chien vous change la vie. En effet, il vous aidera à apprendre à vos enfants à renoncer, à respecter autrui, à ne pas trop franchir les limites, à se montrer patient. Et ça, c'est sans compter le fait que laisser vos bambins jouer avec le chien conduit au fameux scénario rêvé par tant de parents, avoir du temps pour soi sans pour autant que les enfants ne se fassent chier et ou ne s'abrutissent sur quelque support à la con que ce soit, tout en leur permettant de dépenser leur énergie. Alors là, j'entends des gens arriver en disant « Oui, non, mais les enfants, les chiens, c'est dangereux de ça. » Voilà, peut-être une muselière pour les parents les plus inquiets. Hein, voilà, c'est jouable, ça. Pour les enfants, la muselière, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Ouais, je veux dire, si en présence des enfants, on va dire si vous voulez laisser le chien jouer avec les enfants, c'est, voilà, vous gardez la muselière sur le chien. Voilà, enfin, je pense que c'est voilà pour les parents les plus inquiets, quoi. Donc ça, j'ai fait une petite blague. Il voulait dire la muselière sur les enfants. Ah oui, non, je l'avais pas capté. Autant pour moi. Oui, autant pour moi. S'agissant de la race du chien et de l'éducation de celui-ci, je me borderai à énoncer quelques principes de précaution. Évitez les races trop prisées comme le malinois, malheureusement. Car aujourd'hui, il est vraiment très difficile de trouver des élevages de qualité et vous pouvez facilement vous faire avoir. Même si cela me fait mal au cœur de dire ça, évitez aussi les chiens de refuge. Dans 99% des cas, ils ne sont pas éduqués du tout et les bénévoles n'ont ni le temps ni les connaissances pour les évaluer correctement, ce qui laisse l'adoptant totalement démuni. Ouais, vous risquez d'avoir un chien qui a déjà pris des plis, etc. Donc voilà, bon, pour notre auditeur, il dit qu'il y a une certaine limite à l'exercice, voilà. Bon, voilà, ça c'est le point de vue de notre auditeur. Troisième point, s'agissant de grands chiens, je ne saurais trop conseiller le Rottweiler. Non seulement il est hyper intimidant, mais il est très résistant, quasiment aucune maladie, hyper endurant, etc. Et a étonnamment bonne presse, contrairement au Amstaff, par exemple. Croyez-en mon expérience, j'ai eu 5 staffs. Cela vous évitera un paquet d'emmerdes. Pour ceux qui penseraient au Kangal, parce que c'est le plus grand de tous, oubliez. Pour l'utilité que 99% d'entre nous ont d'un chien, c'est une idée de merde, vous pouvez me croire. Conseil pratique d'un auditeur, dit voilà, Kangal, on oublie. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Kangal, c'est le chien de l'Anatolie qui était utilisé autrefois pour faire des combats avec des lions sauvages ou protéger contre les attaques de lions sauvages. C'est un chien de guerre en fait. Hein. Oui, c'est un chien vraiment énorme. Ouais, ouais, il est massif, ouais, ouais, et puis voilà, donc il recommande pas, notre auditeur ne recommande pas. Quatrième point, n'écoutez surtout pas les éducateurs canins, bénévoles de la SPA et autres demi-débiles qui professent leur espèce de bro-science à tort et à travers. Au risque de paraître insistant, comprenez bien que ce milieu ressemble à s'y méprendre à celui de la musculation. Le nombre de véritables connaisseurs est inversement proportionnel à celui des charlatans qui tentent d'abuser de l'ignorance des gens. Moralité, faites tout vous-même de A à Z. Hein, ça casse l'idée reçue là-dessus. Hein. Si vous n'avez pas les compétences, allez voir le site Esprit Dog. Bon, esprit, tout le monde comprend, dog comme un chien, quoi. Et achetez leur formation en ligne. C'est peu cher et vraiment très facile à mettre en pratique. Voilà, des conseils pratiques, ça c'est bien ça. Alors, je peux pas juger sur pièce, moi j'ai pas pratiqué, je sais pas. Hein. Donc là, pour le coup, je dis pas qu'il a raison, je ne sais pas, mais a priori, ça m'inspire confiance, j'irai volontiers voir. Cinquième point, mon dernier conseil sera extrêmement simple. Faites du sport avec lui. Non seulement vous aurez un chien taillé dans le roc, mais vous améliorerez aussi votre condition physique. Une fois de plus, c'est tout bénef. C'est tout pour ce courrier. N'hésitez pas à réagir sur le forum de elb.su. Je me ferai un plaisir de lire les commentaires et peut-être prendrai-je le temps d'y répondre en vous remerciant par avance pour votre temps. Heil Hitler. Donc ça, c'est Kaysar qui nous écrit. Merci à toi, Kaysar. Alors, les petits gars, je ne sais pas si vous connaissez bien en chien. J'en sais rien. Mais moi, ça... Je pense, à titre personnel, que vraiment, dans l'environnement actuel, il faut avoir un chien de garde. Il faut absolument que le domicile soit protégé par un chien. Je parle autant des races de merde qui veulent s'introduire dans tous les domiciles. Je regardais les chiffres, là, encore récemment, des cambriolages. C'est absolument incroyable. Et il ne faut pas compter sur la police pour intervenir, on est bien d'accord. Hein, bon. Et deuxièmement, je sais, hein, que nous aurons bientôt des bandes d'antillais et de négresses encadrés par des blanches qui viendront chez les gens pour les piquer. Ça, c'est acquis, c'est garanti. Ça va se passer. Comme disait cette écrivaine noire hein, chez TDI, ça va se passer. Léonore Amiano. Voilà, ça va se passer. Donc, n'ayez pas peur. Voilà, alors les nègres ont un très mauvais contact avec les chiens, surtout les chiens qui ont des noms allemands. Donc, il faut dire, le chien a un odorat 35 fois plus développé que l'homme. Et le nègre pue la merde, donc forcément, ça se passe mal. Ça se passe mal, oui. Donc, vraiment, pour le coup, je pense qu'il faut vraiment investir là-dedans. Et j'aime bien tous les aspects positifs. Parce que c'est vrai que les gens réfléchissent, vie moderne. Il faut le sortir et tout. Et puis... ouais, non, c'est pas simple. Puis la bouffe, ça bouffe combien il bouffe le chien et tout. Je pense que c'est prendre vraiment le problème à l'envers. Niveau sécurité, c'est incomparable. Incomparable. Il faut pas faire n'importe quoi avec son chien, donc faut pas être un con avec son chien non plus. Il faut pas. Parce que il a l'image du maître, hein. Je veux dire, le chien, si vous faites n'importe quoi avec lui, il vous le rendra bien. Donc il faut créer un rapport sain avec son chien, mais j'y suis vraiment ultra favorable. Moi, je m'imagine pas, par exemple, dans une grande ville française, je sais que je recommande traditionnellement de plutôt éviter de vivre dans une grande ville, mais parfois on ne peut pas. Il faut un chien, quoi. C'est-à-dire, laisser son domicile sans présence et tout, c'est pas possible, quoi. Et il parle des parcs et tout, au milieu des nègres et des bougnous. Putain, moi j'aurai un kleps, hein, mais un kleps massif, tu vois. Puis il aura un nom à foutre les jetons, hein, j'aime autant vous le dire. Il aura un nom à faire peur. Kaysar. Un truc qui fait peur, tu vois. Un truc qui fait peur, tu vois. Travail, ça fait peur aux nègres. Arbeit. Arbeit. Il y a de l'idée, ouais. Non, ou des noms de camp de travail, justement. Dora, Buchenwald. Ah, Buchenwald pour un Rottweiler, ça a de la gueule, ça. Hé, hey, Bornwald Mais sur l'histoire des chiens, est-ce que vous en avez eu, même dans votre enfance, etc. Et qu'est-ce que vous voulez en dire de ça, de cette recommandation? Moi, je pense que c'est un incontournable, pratiquement. Mais... ouais, tu penses au berger allemand, peut-être, qui est très... qui a une excellente presse. C'est un très bon chien. Hein, moi, je suis assez fan, rien que pour le côté esthétique. Après, souvent, vous savez que la sélection a été faite de manière très, très poussée pour les chiens, de manière artificielle. Un peu comme nous avec nos arabes, sauf que voilà, c'est pas des bergers, pas des allemands qu'on a eu, nous, c'est plutôt des bougnoules. Et donc, du coup, pour certaines races de chiens, faut pas dire toutes et faut pas généraliser là-dessus, mais ils ont parfois été trop poussés dans la sélection et certains peuvent présenter des problèmes, on va dire génétiques, que l'éducation corrige assez mal, notamment pour le berger allemand, pour le berger belge, des problèmes de hanches, donc faut aussi en tenir compte. C'est pour ça que c'est pas forcément obligatoire d'avoir vraiment un chien de race. C'est pas chien de race égale perfection. C'est pas aussi simple que ça. Mais bon, après, je peux comprendre que pour le côté esthétique, les gens se portent plus sur une race que pour une autre. Après aussi, comme disait Gandalf en préambule, faut s'adapter aussi Enfin, faut être intelligent. Quand vous prenez un chien, c'est une responsabilité. Si vous avez un petit appartement, que vous avez un Rottweiler, forcément, il y a un problème, quoi. Ouais, Ouais, ça, c'est... ça va être un peu compliqué, faut pas se mentir, ça c'est sûr, en appartement c'est difficile. C'est pas totalement ingérable, mais c'est un petit peu difficile. Après ça dépend aussi, appartement, est-ce qu'il y a la famille, est-ce qu'il y a des enfants, etc. C'est vrai qu'il y a plusieurs critères à prendre en compte. Mais j'ai connu des amis, moi ils avaient un grand chien en appartement. Voilà, bon, mais après il y a des règles claires, quoi, c'est que le chien il a son espace à lui, etc. Enfin les choses sont quand même assez bien compartimentées, voilà, mais oui. Mais l'idée du chien en général, je la trouve excellente. On l'avait déjà abordé dans l'émission. Et je suis content que quelqu'un rebondisse dessus parce que ne serait-ce que pour un point de vue légal, ça vous pose pas de soucis en fait. Vous avez le droit d'avoir un chien chez vous, de vous balader avec. Alors qu'il y a des gens qui craignent un peu pour la sécurité et qui font des trucs un peu débiles comme se promener avec des gazeuses ou des couteaux. Alors ça, les gars, non, non. Déjà, les flics, s'ils tombent dessus, bah, dans le mieux, au mieux, bah, ils vous confisquent votre matériel. Si c'est un couteau, je pense que vous repartez au poste. Et puis, il n'y a pas d'effet dissuasif à avoir un truc pareil. Vous le sortez forcément au dernier moment quand vous vous sentez en danger. Puis en plus, même si vous sortez votre couteau, j'espère que vous n'allez pas l'utiliser parce que c'est vraiment un problème, quoi. Le chien, il y a beaucoup moins de soucis par rapport à ça. C'est vraiment un juste milieu excellent. Et il y a juste un petit truc que je voulais préciser. J'ai un petit désaccord par rapport au Ouais. courrier. C'est l'histoire des refuges. Normalement, les responsables des refuges, ils sont obligés de vous parler du passé du chien, si jamais il a eu des problèmes, par exemple, avec les enfants, avec d'autres chiens, avec les chats, enfin des soucis. C'est pas pour vous faire plaisir en tant qu'acheteur ou vous débarrasser d'un chien, c'est aussi pour eux. Ils vous font signer un document vous disant normalement, ben voilà, vous êtes au courant. Voilà, je suis perché, quoi. Voilà, vous êtes au courant, vous l'achetez en toute connaissance de cause. Après, voilà, normalement, ils font ça. Peut-être que tous ne le font pas aussi. Ouais, je pense C'est que aussi une c'est là que ça pêche en fait, à mon avis. Oui, en théorie, ils sont censés le faire, mais à mon avis, les informations qu'ils ont sont parcellaires et pas satisfaisantes, quoi. Et puis moi aussi, je comprends, hein, je veux dire, quand on a envie, parce qu'il y a plein de chiens adorables qui sont en refuge et qui devraient pas y rester, quoi. Mais si on est sur une thématique de sécurité, il faut vraiment créer une fidélité avec le chien. Alors, je ne dis pas que les chiens qui sont en refuge ne peuvent pas créer de fidélité, parce que moi-même, dans ma famille, on a eu des chiens de refuge qui ont été toujours au top. J'avais eu comme ça un chien un peu type malinois, mais pas vraiment un malinois, vous voyez, un berger allemand, voilà, un peu. Mais pas de pur pédigré, mais très fidèle. Vraiment au top niveau garde, c'est-à-dire qu'il marque le territoire dès qu'il y a quelqu'un qui s'approche à une certaine distance du pas dans le périmètre, c'est qui s'approche du périmètre, il réagit au quart de tour, c'est impressionnant et ça crée un vrai sentiment de sécurité sur sa propriété. Et malheureusement, nous sommes dans un environnement où cette sécurité aujourd'hui est remise en cause. Pour des tas de raisons qu'on expose suffisamment ici dans l'émission, donc chacun comprend de quoi je parle. Donc je pense vraiment que le chien est un très gros atout. Si nos auditeurs y réfléchissent depuis un moment, moi je les invite très sincèrement à franchir le pas. Parce que voilà, et c'est vrai aussi quand vous êtes. Surtout quand on a des gamins, quoi. T'es en balade et tout. T'as des putains d'orques ou des putains de gobelins qui sont en train de zoner. Ces mecs-là, si t'es tout seul avec ta femme, tu comprends, t'as ton gosse avec toi, t'as ta femme là, imagine elle a la poussette, bon, t'as un mec qui t'embrouille dans le dos, et lui il va commencer à parler à ta femme, tu comprends plus rien, tu vois, ça peut très mal se passer. T'as un clébard, ces sous-races se tiennent déjà à distance, quoi. Ça c'est très important, tu gagnes du temps, quoi, tu vois, tu peux passer un coup de téléphone et des tas de trucs que tu peux faire pendant que le chien tient à distance toute cette vermine, quoi. Donc Même en amont, le mec n'osera peut-être pas. Moi, je sais pas si je dois m'embrouiller avec un mec, peu importe la race du chien, si c'est un grand chien, soit un boxeur, un berger allemand, un Rottweiler, ce que vous voulez, si c'est un grand chien, je vais pas engager une bagarre avec un type pareil, quoi. C'est clair. Peut-être t'as aucune chance, quoi. Contre une bande, tu peux rien faire. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que même des très très gros costauds, des très très gros costauds, aussi massifs qu'ils soient et tout, contre 5 mecs, ils peuvent rien faire. Si t'as 5 Bon. mecs qui te tombent sur dessus en même temps, l'autre il va t'attraper la patte. Oui, il va peut-être coller un uppercut à un mec et tout, mais les mecs, s'ils ont des tournevis, des putains de trucs et tout, t'as déjà 3 coups de couteau dans le dos, t'as rien compris. tu peux pas jouer à la loterie sur ce genre de truc, ça je veux dire. Tu peux pas tenter le truc. Même si le mec est super costaud, même si le mec c'est une masse et tout, machin, tu sais jamais ce que les types peuvent te faire comme embrouille. C'est des races de merde, hein, ok. Et t'as une sécurité grandement accrue avec un grand chien comme ça. Alors, vous l'aurez compris, l'auditeur recommande lui le Rottweiler. Hein, dit voilà, le Rottweiler. Alors, il a dit voilà, le staff a mauvaise presse. Ça attire des emmerdes, probablement avec les flics et tout. Intéressant à savoir. Je sais pas ce qu'il en est, je sais pas exactement pourquoi, mais. Ah, bah, c'est à cause des bougnoules, vous savez, les flics. Vous savez pourquoi les flics ils récupèrent souvent des American staff égorgés avec une oreille en moins dans des poubelles ou dans des locaux un peu abandonnés? C'est qu'en fait, les bougnoules, ils regardent les clips de rap. Et dans les clips de rap, les types, ils ont des American staff. Donc, ils prennent des American staff parce qu'ils veulent être des vrais bandits. Bien sûr, ils s'en occupent pas. Puis le chien, il est considéré comme impur. Puis il faut le sortir. Et puis c'est les types, ils sont feignants. Ils vivent la nuit. Le chien, faut le sortir régulièrement. Faut s'en occuper. Et puis les types, en plus, ils vivent dans des apparts souvent petits, des HLM. Le chien, il a besoin de bouger. Il sort pas. Ça crée des problèmes. Il est agressif. Donc il décide de s'en débarrasser à l'algérienne. Donc il l'égorge. Et puis souvent, il lui coupe aussi l'oreille parce qu'ils sont obligés de pucer les chiens, vous savez. Donc quand il coupe l'oreille, du coup, le chien, bah, du coup, il a plus sa puce. Et le flic se retrouve avec un cadavre de chien avec une oreille en moins. Quoi. Voilà. Ça, c'est très courant. Les flics, ils sont au courant de ça. Ouais, ouais. Sinon, pour les gens qui sont à la campagne, c'est vrai que vous avez moins de chances de rencontrer des nègres et des bigots. Hein. Mais par contre, vous avez beaucoup de manouches qui rôdent, qui parfois essaient de s'introduire dans les maisons... à la sauvette, ou bien simplement, des fois, ils inventent des excuses, alors ils se présentent comme des gens, des ramoneurs, par exemple. Et donc, ils en profitent pour rentrer chez vous, faire du repérage, et puis ils reviennent un jour où vous n'êtes pas là, et puis ils prennent ce qui les intéresse. Alors, évidemment, le chien, là, c'est un outil très efficace, parce que, bon, toutes ces races-là de gitans, de manouches, ont une peur bleue des chiens. C'est atavique. Quand ils voient le chien, ils arrivent dans la cour, quand ils voient le chien arriver, ils se décomposent. C'est de la kryptonite. Donc c'est très très efficace en campagne aussi pour la protection contre les gitans. Alors, il y a une vidéo très marrante aux États-Unis avec un nègre qui fout un peu la merde dans la rue. Et il y a un passant qui arrive avec son berger allemand, un vrai berger allemand. Et en fait, le nègre, naturellement, il se met à plat ventre avec les mains sur la tête. Parce que pour lui, il associe en fait le berger allemand avec le flic des bergers allemands. Et il reste comme ça longtemps au sol avant de se rendre compte qu'en fait, le type, c'est pas un flic, c'est juste un passant. Et même quand il s'en rend compte, d'ailleurs, il reste au sol un petit moment. Il fait, ouais, dans le doute, je vais quand même rester comme ça. Ah putain, oh, c'est extraordinaire comme anecdote. Pour rebondir sur ce que disait Poro, les gens vont dire, et c'est vrai, que les manouches aiment bien empoisonner les clébards avant d'entrer dans une baraque. C'est-à-dire qu'en fait, ils balancent un bout de barbac empoisonné pour tuer les chiens qui sont présents avant de pénétrer dans le truc. Ça s'apprend en dressage. C'est-à-dire qu'on peut apprendre aux chiens à ne pas bouffer un truc donné par un étranger. Mais il faut aussi un peu de dressage, quoi. Il faut savoir ça. Mais vraiment, quand... là, il y a un exemple, je rebondis un peu sur ce que dit Poro, pour donner un petit peu de corps à sa mise en garde, c'est que, par exemple, à Nantes, les éleveurs de moutons se font absolument dépouiller de leurs moutons. Alors, vous allez me dire, ouais, les bicots, en fait, avant le mois sacré du Ramadan, hein, voilà, se mettent à faire les courses. Alors, c'est un peu plus nuancé que ça, en fait. Oui, le marché, c'est les bougnoules musulmans, et les nègres musulmans, mais les voleurs, c'est des manouches. Donc les manouches, en fait, servent d'intermédiaire aux musulmans pour se fournir sur le marché noir, en fait. Et parce qu'ils veulent faire leur rite à la con, égorger le mouton dans leur baignoire. Voyez. Sinon, ils n'arrivent pas à dormir la nuit. Ils se disent haram, haram, haram. Voyez. Donc ils veulent le mouton dans la baignoire, égorgé par leurs soins en récitant leur salam alek de merde. Mais ce sont les manouches qui font le coup. Ils deviennent fous avec ça. Ils deviennent fous. Ils ont des propriétés à garder. Vraiment, ils en chient, quoi. Les autorités font semblant de ne pas comprendre. Enfin, ils disent, oui, on fait des patrouilles. Oui, d'accord. Bon, après, quand c'est qu'on arrête les gitans et qu'on les met dans des camps de concentration? Ça, c'est ma question. On savait le faire à une époque, on ne le fait plus aujourd'hui. Bon, voilà, vous avez compris. Bref, si vous ne voulez pas vous retrouver, alors, vous n'êtes pas des éleveurs de moutons, mais si vous ne voulez pas vous retrouver dans cette situation-là, en fait, où vous ne dormez plus la nuit parce que, en fait, des gens essaient de s'introduire dans votre garage, sur votre propriété, on essaie de vous voler de votre rue, il vous faut des chiens. Il vous faut des chiens, voilà. Passez le virage, et voilà. C'est ce que je voulais dire, toujours avec l'idée d'inviter nos auditeurs, bien sûr, à éviter le danger, quoi. Je vais rebondir sur ce que tu as dit, parce que tu as parlé de... Ouais. de dressage, et il me semble que c'est hyper important, en fait, comme tu l'as dit au départ, d'avoir une relation saine avec son chien. Mais si on veut avoir, je pense, un chien qui soit plus que dissuasif et qui soit véritablement très efficace lors de problèmes, il faudrait faire des cours vraiment pas intensifs, peut-être pas du niveau d'un maître chien, mais savoir dresser son chien pour qu'il puisse attaquer, éventuellement avoir une muselière de mort en fait, mais de frappe, parce que les muselières de frappe sur un chien de 40-50 kilos lancé quand vous avez la bestiole qui vous fout un énorme coup de museau coqué dans les boules ou dans le bide, le mec il va pas se relever quoi, le chien il passe au suivant quoi. Je pense qu'il doit y avoir ce genre de formation hein, disponible et il y en a. Je pense que si on n'était pas si persécuté, on pourrait même renvoyer vers des professionnels de nos idées pour que ça se passe entre gens de bonne compagnie, si vous l'aimez. On peut pas le faire malheureusement. Mais du dressage, c'est nécessaire. Après, moi, je connais pas la partie, donc je vais pas dire il faut faire ça. Je ne connais pas la partie, je sais pas. Mais ce que nous dit notre dire, il dit ouais, mais dans les centres de. Enfin, c'est merdique dans les centres. Lui, il dit non, il faut faire ça soi-même. Donc, il renvoie vers le site Esprit Dog, où en fait, tu prends un peu le taureau par les cornes et tu t'en occupes. Je peux pas donner d'avis, je l'ai pas fait. Peut-être que des gens corroboreront. Je pense qu'en passant par des instituts de formation, notamment ceux qui gèrent les agents de sécurité, ou alors que vous avez des contacts dans l'armée qui ont fait un encadrement cynophile, ou même dans la police, je pense qu'il y a moyen de récolter des infos, ou même d'avoir des conseils hein, directs de gens qui, eux, ont été véritablement formés par des professionnels. Quoi. Oui. Parce que ouais, ça, c'est hyper important. Ouais, je pense, ouais. Donc voilà, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui on a déjà eu hein, cette discussion sur les chiens et tout, donc mais c'est bien de faire des rappels, c'est jamais en trop. Et s'il y en a qui disent ah tiens dans la discussion là ce que j'ai entendu il y a un truc je suis pas d'accord ou j'aimerais préciser ça ou j'ai besoin d'un conseil à formuler, n'hésitez pas, c'est toujours bienvenu parce que d'autres personnes vont suivre ces conseils. Oui, donc oui parce qu'on n'est pas des pros donc on donne notre avis mais voilà. Ouais moi je dis simplement mon ressenti mais je peux pas dire voilà il faut faire ça. Bah, attends on peut pas être un pro dans tout quoi. Voilà donc là on a l'avis d'un auditeur qui manifestement connaît bien son sujet parce que lui-même pratique, il a eu beaucoup de chiens, il a été dans les centres de dressage, ça lui a pas plu, il a fait un peu de tout, donc lui il dit voilà de mon expérience voilà cette race me plaît, cette méthode de dressage me plaît, les avantages sont dépassent de beaucoup. Bon voilà peut-être que quelqu'un va dire parce que sur les races de chiens c'est un peu comme tout hein, il y a toujours quelqu'un qui dit ouais c'est vrai le Rottweiler est bien mais le Malinois c'est quand même top et tout, alors il y a peut-être un problème simplement de fourniture du Malinois. Visiblement, c'est difficile d'avoir du Malinois. Ou là, il dit, voilà, c'est pas vraiment du Malinois au sens le plus pur, au sens racial du terme. Bon, je sais pas. Voilà. Bon, discussion à entretenir. Voilà. Mais bon, c'est bien. On a fait passer le message. Merci à notre auditeur pour ce point-là. Deuxième courrier, les amis. Assez conséquent. Mais écoutez, on est en plein covidisme, et c'est un courrier sur le covidisme. Je pense que ça va vous intéresser. Bonjour à tous, chers amis démocrates. Étant un fidèle lecteur de votre site, doublé d'un auditeur assidu de vos émissions, je ne résiste pas au plaisir de vous faire part d'une anecdote vécue récemment qui, je l'espère, passera à votre antenne. Tant je sais que Gandalf est un amateur avisé de la rubrique courrier des lecteurs. Alors absolument, totalement. Pour des raisons pratiques, j'essaierai de ne pas m'apesantir sur des détails secondaires, mais j'irai droit à l'essentiel. Ma femme et moi sommes partis il y a quelques semaines en vacances à l'étranger afin de faire découvrir à nos enfants adolescents l'un des berceaux de la civilisation européenne, une occasion supplémentaire de leur faire appréhender concrètement la richesse culturelle, artistique, intellectuelle et architecturale dont nous sommes capables, nous, les hommes de notre sang. Il va sans dire qu'il n'a jamais été question pour nous de passer par la case vaccination. Nous avons donc effectué des tests rapides PCR dans les délais impartis et avions les justificatifs nécessaires afin de prouver notre statut viral négatif, ce qui nous a permis d'embarquer à bord de l'avion qui devait nous amener sur notre lieu de villégiature estivale. Très très bien. Une fois à bord, nous prenons place. Ma femme et mes enfants occupant une rangée complète de sièges, moi-même me retrouvant sur la première rangée, mais du côté opposé au couloir central. Comble de la chance, me voilà seul installé dans une rangée de trois sièges. Je choisis donc de me placer au plus près du hublot afin d'admirer la richesse des paysages, tout en profitant de l'espace libre dont je dispose, puisque les deux autres sièges sont effectivement libres. Bien évidemment, l'ensemble des passagers de cet A320 que nous empruntons porte un masque, et je remarque même une femme située quelques rangées devant la mienne qui porte un masque digne d'une muselière, avec bande velcro derrière la tête et système de filtration d'air élaboré. La bêtise humaine n'a visiblement pas de limite, et je suis prêt à parier qu'un membre avisé de la communauté de lumière doit être derrière ce business de masque high-tech. Bref, passons, car tel n'est pas mon propos ici. Très à l'aise avec ce concept de plan débit et de toute la mascarade folklorique qui est concomitante, je m'installe donc à ma place et ôte mon masque. Après les habituelles instructions données par l'équipage aux passagers et visant à vous faire croire qu'en cas d'amérissage d'urgence en pleine mer, vous serez gentiment amené vers un toboggan qui vous conduira à un très joli radeau depuis lequel un bel hélicoptère vous ramènera à la maison, le vol débute. Environ 15 minutes après le début du vol, les hôtesses passent servir les boissons. Occupé à regarder par le hublot les paysages illuminés par le soleil couchant, je n'entends d'abord pas. Puis un « Monsieur ! Monsieur !» arrive à mes oreilles. Je détourne mon regard et tombe sur le steward du vol, bien entendu masqué. « Monsieur, s'il vous plaît, veuillez remettre votre masque. » Celui qui vient de me faire cette injonction est un grand type malingre et immense, avec des cheveux frisés mi-longs, mi-courts, attachés sur le haut du crâne en une espèce de chignon dégueulasse façon Raël, le tout emballé dans l'uniforme de la compagnie aérienne en question. L'uniforme semble d'ailleurs être bien plus propre que le gars lui-même, dont je soupçonne que le masque dissimule un nez coupable et aquilin qui achèverait de me convaincre de ma première intuition. Spontanément, je me dis « Tiens, celui-là est arrivé par accident. Si c'est une fiotte comme la plupart des stewards le sont, il ne doit pas souvent se faire taper dans la rondelle. Et s'il est hétéro avec sa gueule de fin de race, il ne doit pas souvent toucher une hôtesse. » Bref, une première anomalie dans ce lieu que je ne vais côtoyer que quelques heures, mais où je sens d'ores et déjà d'instinct que cela va mal se passer. Le vol se poursuit normalement, mais budget oblige, la compagnie low cost qui assure le vol et que nous avons choisi essaie de faire feu de tout bois avec ses passagers. Une annonce lancée par micro nous indique que la compagnie fait de super tarifs sur les clopes, l'alcool et les bijoux, qui sont au même prix qu'au duty-free de l'aéroport. Ce qui permettra au goyim retardataire de faire le plein de Marlboro et de Ricard pour pas un rond. Je me demande alors ce que fait cette même compagnie aérienne sur un vol moyen courrier Paris-Tunis. Sans doute propose-t-elle des tapis et autres narguilés à bracasser. À bricasser, je reprends. Sans doute propose-t-elle des tapis et autres narguilés à prix cassé, pour le plus grand bonheur des beaufs qui peuplent cet environnement insalubre. J'ai en effet tout à coup le sentiment d'être chez les marchands du temple, sans savoir, alors que je ne suis qu'au début de mon parcours initiatique. Car le meilleur est encore à venir. En effet, après environ une heure de vol, l'hôtesse chef de bord annonce à l'ensemble des passagers que dans le cadre de la pandémie de Covid-19, la compagnie aérienne récolte des dons au profit de l'UNICEF et qui sert à financer la vaccination auprès des pays pauvres, entendez par là des pays nègres. Voilà donc une hôtesse de l'air qui passe dans les rangs avec son DAB, son DAB, hein, pour cartonner les cartes de crédit, quoi, afin de récolter les offrandes des fidèles, payées directement en carte bleue. Nous y voilà, on nage en pleine religion. Et tel un curé qui, à la fin de son office, fait circuler jadis une corbeille pour récolter quelques dons des fidèles, on exhorte désormais les goïms à mettre la main à la poche au nom du covidisme et de la vaccinologie intégrale. Incroyable. Je regarde les autres passagers devant moi. Personne ne bouge, personne ne dit rien. Tout le monde ferme sa gueule. J'ose quand même espérer que beaucoup d'autres sont aussi offusqués que moi, car en y regardant de plus près, personne ne participe à ce racket institutionnel. Pour autant, c'est le principe qui compte, et je ne peux me départir de l'idée que c'est en implémentant ce genre de pratique dans les habitus de vie des individus qu'on parvient à changer leur comportement et leur prisme de lecture des événements. On nage en pleine ingénierie sociale, et nul doute qu'un youtron de la trempe d'Edouard Bernays n'aurait pas désavoué de telles pratiques s'il était encore en vie. D'ailleurs, je reste intimement convaincu que c'est l'un de ses cousins grassement payés qui a accouché d'une idée aussi tordue, et qu'il a insidieusement distillée dans toute sa boîte, au point d'en faire une marque distinctive de l'entreprise. Après les initiatives proactives en matière d'écologie, certaines multinationales jouent en effet la carte du charity business virologique. Ces gens n'ont aucune espèce de honte, ils sont l'incarnation de la laideur dans toute son intensité, dans sa pleine et entière expression. Une fois cette mascarade terminée, la pression monte dans mon cerveau, malade de complotisto-national-socialisto-climato-viro-sceptique, mais je tente de garder mon calme, la nuit descend, notre vol se poursuit, les lumières à l'intérieur de l'appareil commencent à baisser d'intensité afin que chacun puisse se reposer. Toujours sans masque, je commence à m'endormir, jusqu'à ce qu'une voix me réveille à nouveau. Monsieur, monsieur, veuillez mettre votre masque s'il vous plaît. Il doit recouvrir entièrement votre bouche et votre nez. Merci. J'ouvre un œil. Cette fois, je n'ai pas face à moi le sous-homme gauchiste et épais comme une biscotte de tout à l'heure, mais une quarantenaire blonde, filasse, les cheveux en chignon, avec un maquillage étalé à la truelle et qui porte un uniforme de la compagnie aérienne, épousant à merveille ses bourrelets savamment entretenus à la chips et au beurre de cacahuète. Une grosse dégueulasse, sans doute sans mari ni gosse, qui doit apprécier la pluralité masculine lors de ses escales au Togo, pourvu que l'intégralité des phallus en action soit bien... Véné et bien noir. Monsieur, monsieur, veuillez mettre votre masque, s'il vous plaît. Il doit recouvrir entièrement votre bouche et votre nez. Merci, reprend-elle. Je me penche alors vers elle et lui dis. Madame, s'il vous plaît, pouvez-vous m'expliquer pourquoi je dois mettre un masque? Et parce que je vous le demande et que ce sont les consignes du vol. « Mais madame, il y a sur ce vol environ 350 passagers, vous y compris, qui ont présenté à l'embarquement un test PCR négatif, ce qui était d'ailleurs une condition sine qua non à leur admission. Personne n'est donc contagieux ni malade, il n'y a donc pas de logique à porter un masque. « Monsieur, je ne suis pas médecin, donc je ne suis pas apte à juger. Je vous demande de mettre votre masque immédiatement. » « Et si je refuse, qu'est-ce que vous allez faire, me débarquer en plein vol au-dessus de la mer ?» Non, si vous refusez, c'est très simple. Nous appelons la police aéroportuaire pour refus d'obtempérer aux consignes lors du vol et vous serez attendu par la police lors de votre descente d'avion. Madame, répondez à ma première question. Comment expliquez-vous que le port du masque soit obligatoire alors que l'ensemble des personnes qui sont ici ont été testées négatives? Trouvez-vous que cela soit logique? Remettez-vous en cause la fiabilité des tests PCR? Là, je la sens dans l'embarras. Pour s'en sortir, elle me dit à nouveau. Monsieur, je ne suis ni médecin ni virologue. Mon avis ne compte pas. Je suis sur mon lieu de travail, j'applique des consignes, un point, c'est tout, c'est la loi. Voilà la phrase que j'attendais, car elle me sert sur un plateau la phrase clé que j'adore sortir aux moutons lorsque je les pousse dans leur dernier retranchement et qui me permet de retourner contre leur dialectique habituelle. Sans rire, je la regarde donc droit dans les yeux et lui dis « Madame, c'est grâce à des gens comme vous, qui suivaient les ordres à la lettre, qu'en 1942, on a fait monter des enfants juifs dans des trains vers les camps de la mort. Comme toujours, cette botte secrète est imparable et fait mouche. La voilà désarçonnée, perdu. Son référentiel s'effondre. Ses repères vaguement sémantiques ont disparu. La voilà à poil, face à un type auquel elle ne sait que répondre. J'insiste. Est-ce que tu as un doute, toi, personnel, sur l'existence des chambres à gaz ? Ah, je m'attendais pas à celui-là. Alors, très très bien senti. On dira hein, que c'est lors de l'échange avec Monsieur Chouard, hein, à Mediapart, quand même. Ça faut quand même se rappeler. Quoi. Alors, j'insiste sur la culpabilisation lorsqu'elle fait un demi-tour. Madame, pensez à ce que je viens de vous dire. Ce que vous faites aujourd'hui dans votre travail n'est pas anodin. Réfléchissez à l'échange que nous venons d'avoir, car il est important que vous preniez la mesure de ce que je vous dis. La pauvre est repartie déconfite et visiblement perturbée. Elle qui pensait se sentir pousser un phallus entre les jambes parce qu'elle portait un bel uniforme a finalement compris, consciemment ou pas, que porter une tenue d'apparat ne suffit pas pour disposer des arguments d'autorité et mettre au pli un passager récalcitrant. Bien évidemment, tout s'est fait dans le calme et sans effusion de voix. On ne se comporte pas comme des bougnoules ou des gitans, mais j'ai bon espoir que les passagers situés dans les rangées annexes de la mienne auront été sensibilisés aux arguments de bon sens qu'ils auront entendus lors de cet échange. En conclusion de cette tranche de vie, je dirais qu'elle est une synthèse au sens de Michel Audiard. Elle est en effet une cristallisation de tout ce que la bêtise humaine peut rassembler en un même endroit, tant en matière de soumission à l'ordre établi qu'en matière de conformisme bourgeois, un instantané de vie de ce que le monde occidental de 2021 peut donner à voir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas beau à regarder. En conclusion, j'incite tous ceux qui auront vent de ces lignes à ne pas désespérer. Comme le disait un peintre autrichien que nous admirons, notre premier combat est dans la rue, avec les hommes et les femmes du quotidien. Si votre argumentaire est construit, que votre pensée est claire et que les arguments que vous assénez sont forts, alors votre discours est en mesure de semer les graines du doute et de la remise en question dans l'esprit de votre interlocuteur. N'ayez aucun scrupule, car l'ennemi n'en a pas. Utilisez des arguments qui vous semblent risibles ou grotesques. Agitez des épouvantails dont vous savez qu'ils sont factices, mais que vous pouvez manipuler comme autant d'électrochocs dans l'esprit moutonnier de ceux que vous avez en face de vous. Nous sommes dans une époque où le niveau de conscience, qu'il soit intellectuel, logique, racial, idéologique ou politique, a considérablement chuté. C'est une réalité terrible, mais ce peut être aussi une opportunité pour chacun d'entre nous de devenir, comme le préconisait Robert Dain dans ses ouvrages, des missionnaires. Merci à toute l'équipe de DP pour votre travail, votre courage, votre dévouement et votre engagement. L'histoire jugera de la pertinence de ce que nous aurons fait ou non, et les dieux feront le reste. Je vous salue, bras tendus, vous souhaite bonne santé et longue vie pour vous et vos proches, bien fraternellement, et c'est signé Clark Goebbels. Alors massif, hein, témoignage, extrêmement bien écrit, narré. J'aime bien aussi les témoignages qui prennent le temps. Qu'est-ce que vous en dites ? Qu'est-ce que vous en dites ? Moi, j'admire le mec, hein, honnêtement. Comment fait-il pour ne pas devenir violent ? Je ne sais pas, mais bah, tout en maîtrise. Hein. Voilà, bien joué. Petite réaction pour nos participants. Oui, bonjour d'abord. Alors, on aurait pu imaginer que la gonzesse, la stewardess, réponde en disant « Mais vous savez, à l'époque, c'était en 1942, c'était des dictatures. Et maintenant, il s'agit de la démocratie, des gens élus par le peuple. » On sait pourtant que Adolf Hitler a été soutenu et élu par le peuple. Et deuxièmement, en fait, oui, il y a une idée qui traîne dans la tête des gens, une idée reçue comme quoi celui qui est un dictateur, c'est celui qui porte des bottes ou des moustaches ou un uniforme militaire et autres. Et ne peut pas, quelqu'un qui parle et qui est habillé comme un VRP, comme les Macron, ne peut pas être un dictateur. Quoi. Donc ça, c'est, on obéit aux règles parce que c'est la démocratie, parce qu'il faut faire comme ça, il faut lutter contre le virus. Il y a des gens qui sont vraiment ras des pâquerettes, c'est sûr. Ouais. Vas-y, Captain. Moi, le truc que j'ai à dire, c'est que c'est pas mal d'avoir utilisé l'exemple de la Shoah, parce que c'est vrai que ça peut souvent mettre, comme disait notre ami, hein, le zbeul dans la tête des gens, c'est-à-dire ça peut semer la zizanie dans la tête des gens, quoi. Ça peut les faire douter. Mais c'est vrai qu'en même temps, on renforce leur croyance vis-à-vis de l'intouchabilité de la Shoah et puis de, fait que c'est un événement quasi sacré qu'il ne faudrait pas reproduire. Alors, moi, je n'ai pas envie de le reproduire, je le dis bien, je n'ai pas envie de foutre les juifs dans des chambres à gaz. En revanche, se servir des armes de l'ennemi, reprendre exactement leurs propos, c'est pas toujours avisé. Par exemple, quand on parle de racisme anti-blanc, c'est très mauvais parce que ça valide le concept du racisme comme quelque chose d'étant négatif. C'est-à-dire qu'il faut pas être raciste envers les blancs, faut pas être raciste envers les noirs, faut pas être raciste envers les chinois. Alors qu'en fait, tout le monde est raciste, sauf que seuls les blancs n'ont pas le droit de l'être. Donc le racisme, en fait, c'est quelque chose de tout à fait naturel et qui doit être considéré comme tel. En fait, tout simplement, la volonté de peuple de vouloir rester eux-mêmes, hein, c'est tout, quoi. Donc, oui, c'est rigolo. C'est marrant sur le moment. Ça a peut-être permis à l'auditeur de finir son vol sans être inquiété et sans masque. Après, est-ce que ce sont les bonnes graines qui sont posées par rapport au Covid? Oui, ça va faire réfléchir à la personne, mais ça la fait réfléchir par rapport à une mauvaise perspective, en fait. Est-ce que je veux dire? Ouais, il y a du bon et du mauvais, quoi. C'est dans cette approche-là, c'est certain. Voilà. Notre auditeur en est conscient, hein, je pense. Hein, il le sait lui-même. Hein, il sait très bien qu'il remet un peu une pièce dans la machine. Hein. Voilà. Mais en même temps, je pense que ce qui l'amuse, c'est de voir avec quelle facilité ça marche, en fait. Sure. En revanche, ce qui est très bien, et ça, il a raison, moi, je le dis souvent, vous l'avez déjà entendu ici, je pense, c'est que nous tous, on doit être des missionnaires. Et ça, il le dit très bien. On doit véritablement, à chaque fois que c'est possible, alors en prenant des risques plus ou moins importants, hein, parce que les gens qui ont des postes à responsabilité ou des travails qui ne peuvent absolument pas perdre, peuvent se permettre de partir en mode full nazi, pardon, pas néo, surtout pas néo. Mais on doit effectivement semer des graines dans la tête des gens. Moi, je m'amuse beaucoup à le faire personnellement. Des fois, ça marche. Des fois, j'ai déjà eu, moi, des gauchistes qui s'excusaient d'être des gauchistes, limite, quand je leur faisais comprendre qu'ils étaient partis profondément anti-blanc. Et comme il dit, en fait, on doit tous le faire, et petit à petit, peut-être que les graines qu'on a semées feront fleurir de beaux arbres sous lesquels nos descendants pourront s'abriter. Ce qui est intéressant dans ce témoignage, et c'est ce qui le fait sourire, mais sourire jaune, hein, je veux dire, c'est pas un sourire de satisfaction. Et qui doit nous faire réfléchir, c'est à la facilité avec laquelle on peut effectivement forcer le bétail à obéir, avec tous ces exécutants, ces petits exécutants, ces petites mains. Et c'est pas inintéressant dans ça, si vous voulez, dans son approche, dans l'approche de Clark Goebbels, de montrer que le catéchisme, en fait, parce que c'est un véritable catéchisme, hein, donc on embrigade les gens, on leur dit ça, on leur dit, ah oui, mais, parce que c'est toute la racine du tribunal de Nuremberg, hein, vous connaissez ça très bien, c'est de dire, voilà, oui, mais Adolf Hitler, qu'aurait fait Adolf Hitler, hein, aurait-il pu commettre tous ces crimes, bon, entre guillemets, on sait quoi en penser, on a invité ici souvent Vincent Riva, sans avoir tous ces exécutants, comment dirais-je, très professionnels, qui ont eu, quand on leur a demandé des comptes, une seule et même excuse. Oui, mais nous ne faisions qu'appliquer les ordres. Et on a répété ça à tout le monde à l'école pendant des décennies, des décennies, des décennies. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, ça, moi je me rappelle très bien à l'école, oui, mais voilà, Adolf Hitler seul n'aurait rien pu faire s'il n'y avait pas eu des exécutants. Et à chaque fois, ils mettent l'emphase sur la lâcheté des gens. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas de lâcheté, hein, je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, dans les systèmes hiérarchiques, parce qu'elle existe, c'est évident. Mais ce qui est très intéressant dans l'approche de notre auditeur, c'est que les gens pensent, si vous voulez, qu'ils ne peuvent pas être lâches eux-mêmes, que le système dans lequel ils sont ne peut pas être vérolé, qu'il est exempt de tout défaut, et que vraiment, l'épouvantail nazi démontre qu'eux-mêmes sont, comment dirais-je, roulent pour la bonne équipe, quoi, et qu'ils sont exempts de toute critique. Et quand tu les replaces dans un contexte, on dit, mais en fait, vous êtes en train de faire ce dont vous accusez les nazis. Là, les gens, ils buguent un peu, quand même. Tu vois, ils disent, ouais, c'est vrai que là... Ah, tiens, c'est possible qu'en fait, on fasse un truc qui... Tu vois. Et quand tu crées cette zone de doute, en fait, quand tu commences à faire douter ton interlocuteur, c'est même pas tellement de le convaincre. c'est de le faire douter. Tu lui dis, mais en fait, est-ce que tu as vraiment confiance dans le système? Et tu lui démontres par A plus B. C'est pas en lui faisant une leçon magistrale. C'est dans le cas d'une performance. Hein, là, ce que fait notre auditeur, c'est performatif. C'est-à-dire qu'en fait, il retourne contre lui un peu comme au karaté la prise de son adversaire et il lui démontre, bah, en fait, t'es en train de faire ce que faisaient les nazis, en gros, quoi. Hein, grosso modo, c'est ça. Et là, il y a un phénomène de remise en question qui ne peut pas laisser indifférente la personne. La personne, forcément, doit être ébranlée dans ses convictions. C'est-à-dire, merde, est-ce que c'est possible qu'en fait, je sois aussi moutonnier que dans un système totalitaire? Est-ce que j'applique stupidement des conseils? Alors, évidemment, la gonzesse en question, voilà, c'est un questionnement qui va durer 10 minutes, ensuite, elle passe à autre chose. Mais c'est des petits grains de sable, quand même, qui enlèvent à leur confiance en eux-mêmes et en leur aplomb. Oui, c'est important d'enlever leur aplomb à tous ces gens-là, voilà, qui vous parlent d'autorité, qui vous prennent de haut, vous dire oui, il faut faire ci, il faut faire ça, et en retournant contre leur propre dialectique. C'est pas totalement inintéressant. Alors, malheureusement, il y a des limites à l'exercice, effectivement, puisque ça consiste à créditer, hein, la fameuse hypothèse des chambres à gaz qui font marrer tous les gens qui sont un peu penchés sur ce sujet. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais c'est bien de faire douter. C'est bien de faire douter. Il existe, pardon, comme vous l'avez expliqué, c'est à double tranchant, mais il existe un argument exactement similaire. C'est quand une personne, un normie, par exemple, vous dit « Oui, mais vous savez, on ne peut pas faire confiance à tel docteur, Louis Fouché, Joyeux, n'importe, parce qu'ils ont été rappelés à l'ordre ou sanctionnés par l'ordre des médecins, le conseil de l'ordre des médecins. » Et là, vous pouvez dire « Mais vous savez, qui c'est qui a fondé l'ordre des médecins ? C'était le maréchal Pétain pour dénoncer les médecins juifs, etc. » Ah, ça c'est bien ça. Alors en fait, laissons le maréchal de côté, hein, puisque bon, le pauvre, il est mort depuis longtemps, mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a un côté, je n'ai même pas envie de dire dictatorial, parce que dictature, ça, c'est presque positif quand j'y pense, mais je dirais mafieux, hein, dans l'ordre des médecins, mais sans vouloir trop développer, il y a par exemple un médecin qui s'appelle Paul Hervé Rich, je crois, qui avait développé une alternative aux antibiotiques, qui s'appelle le bactériophage. Donc il faisait concurrence, par conséquent, tout le domaine des antibiotiques. Et donc il avait été convoqué plusieurs fois dans l'ordre des médecins, il y avait eu des procès qu'il avait gagnés, puis une fois on lui avait dit, enfin en tout cas, il affirme qu'on lui a dit ça, hein, Paul Hervé Rich, le président du conseil de l'ordre lui aurait dit, mais vous savez, docteur Rich, un coup de couteau dans le dos est vite arrivé. Donc... Tout ça pour dire que le côté un petit peu mafieux, oui, il existe, mais bon, le côté vichiste, c'est pour l'anecdote, mais ça peut effectivement être un grain de sable dans la machine. On a façonné les gens, malheureusement. Hein. Y a un acquis, hein. Y a un inconscient antifasciste qui a été créé ex nihilo par l'éducation nationale néo-communiste, hein, ni plus ni moins, hein, après 1945. Et donc... Le national-socialisme, Adolf Hitler, le Troisième Reich, tout ça est associé très étroitement d'ailleurs au diable, aux enfers, aux légions du démon. Vous avez qu'à remarquer, hein, moi ça me fait toujours marrer, maintenant j'en rigole, en toute honnêteté. Je lisais encore récemment un papier, je fais une petite digression, mais ne m'en voulez pas, mais je lisais encore un papier récemment sur l'opération Barbarossa, vous connaissez, hein, invasion de l'Union soviétique en 1941, 22 juin 1941. Et c'est des questions qui m'intéressent à titre purement encyclopédique, hein, c'est pas. Mais je lis et c'était quelqu'un assez qualifié dans son domaine, hein, en tant qu'historien. Et voilà, alors ça se piquait quand même d'être assez, parce que c'était des gens qui étaient liés à l'école de guerre. Alors, bon, je m'intéresse, je lis un peu le papier. Et c'était grotesque, c'est-à-dire que c'était des références, mais c'était digne d'un manuel d'histoire de troisième écrit par un prof trotskiste, quoi. C'est-à-dire, tout y était, les poncifs, les trucs, ne comprenant pas du tout la position d'Adolf Hitler stratégique, les limites stratégiques de l'Allemagne, etc. Pourquoi, contrairement à tout ce qu'on a pu dire, c'est... Bon, bref. Mais le référentiel utilisé relevait de la démonologie. Ce n'était pas une étude froide d'une armée face à un contexte stratégique. Non, pas du tout. C'était démonologique, véritablement. Et il faut bien comprendre qu'on a affaire à des gens qui évoluent dans cet environnement mental-là. Donc c'est une espèce d'environnement chrétien, si vous voulez, dans ses références, sécularisé, mais qui sont des catégories qui sont encore extrêmement puissantes dans l'inconscient, mais qu'on détourne du message original, quoi. Donc le diable, c'est plus Satan, c'est Adolf Hitler. L'église de Satan, la synagogue du diable, c'est le Troisième Reich. La Wehrmacht, les SS, c'est les légions de l'enfer, d'accord. Le péché ultime, c'est le racisme et l'antisémitisme. Hein, il faut distinguer les deux, on ne va quand même pas mélanger les torchons et les serviettes. Hein, les juifs sont soucieux là-dessus, etc. etc. Et ça reste des films très objectifs, hein, bien sûr. Hitler, la naissance du mal. Voilà, Non mais comme si Adolf Hitler. Mais regarde, mais réfléchissez. Les gens, il faut qu'ils. Nos auditeurs, qui sont certainement, peut-être pour certains, des gens, on va dire, d'extrême droite, d'autres qui sont des identitaires, mais pas nécessairement nationaux-socialistes, ou qui n'ont pas d'affection particulière pour Adolf Hitler, ou qui n'admirent pas spécialement, mais qui réfléchissent quand même là-dessus. Adolf Hitler, la naissance du mal. Je veux dire, comme si vous voulez, l'histoire commençait avec Adolf Hitler. Ça me rappelle un peu la Bible, vous savez, quand Lucifer, l'ange de lumière, est chassé du paradis et qu'il tombe sur Terre. C'est-à-dire que tout commence avec Adolf Hitler. C'est la première fois de toute l'histoire que des gens ont fait des trucs mal avec la naissance d'Adolf Hitler. Il n'y avait pas de salaud avant Adolf Hitler. Dixit. C'est du délire. Mais c'est partout. C'est sur YouTube. Hein. Y a un autre truc là sur la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas du délire. Je l'avais déjà dit il y a quelques semaines. C'est du millénarisme en fait. On n'est pas confronté à de la religion. On est dans le domaine du religieux. C'est pas une religion parce qu'il n'y a pas de transcendance, même si ça a les aspects de la religion. Et on est vraiment dans une. En fait, on est sorti de la justice sociale qu'on crée le paradis terrestre en abattant les classes ennemies, les classes du mal qui étaient la bourgeoisie, les aristocrates, donc les possédants. On est passé à la justice raciale. Et là, la justice raciale crée le paradis terrestre. D'après les tenants de ce dogme-là, en détrônant, en chassant, en tuant ceux qui détiennent, qui sont les possédants, c'est-à-dire de la justice de la non-justice raciale, c'est-à-dire les blancs, si on les abat, on crée la justice, on crée le paradis terrestre. C'est vraiment du millénarisme en fait. Moi, j'invite les auditeurs à bien comprendre ce que c'est à se procurer les ouvrages de Jean Delumeau. C'est une espèce d'hérésie marxiste. Il y avait des hérésies chrétiennes, des hérésies marxistes, enfin hérésie entre guillemets, quoi, où en fait, on ne raisonne plus en termes de classe sociale, mais en termes de classe raciale, en gros. Hein. Voilà, grosso modo, aujourd'hui, le communisme a une lecture raciale de la réalité et propose de supprimer les blancs pour faire parvenir la parousie sur Terre. Quoi. Donc avec quand même en arrière-fond un message chrétien fondamental. Enfin, je m'entends, il n'a rien à voir avec le message originel, mais il est dévoyé, mais ça provient quand même de ça. Quoi. Alors évidemment, on s'écarte, mais avec le covidisme, je crois que c'est le dernier étage de la fusée, j'ai l'impression. C'est-à-dire que même l'antinazisme va devenir un peu vieillot, et là, je crois qu'on va, diaboliser... Comme on a diabolisé en fait les gens qui étaient un peu sceptiques sur la diversité ethnique, hein, ceux qui sont sceptiques sur les vaccins en fait, et en la toute bienveillance du système. Et je crois que là, d'ailleurs si vous regardez la rhétorique, c'est ça, hein, complotiste extrême droite, enfin c'est pas tout à fait comme ça que ça marche, ils doutent des vaccins, ils sont complotistes, s'ils sont complotistes, ils sont antisémites, s'ils sont antisémites, ils sont d'extrême droite, s'ils sont d'extrême droite, c'est des nazis. Et comme ils sont nazis, conférer le référentiel démonologique, c'est les enfants de Satan, quoi. Donc, grosso modo, c'est ça. Hein. On est exactement là-dessus. D'où l'extraordinaire aplomb des autorités quand on dit « portez votre masque ». C'est-à-dire que ces gens se croient dans une lutte contre le mal. Enfin, il faut quand même comprendre ça. Si on croit que c'est juste une question sanitaire, on ne peut pas comprendre ce qui est en train de se passer. Oui, oui. D'ailleurs, il y a Frédéric Lermel, un présentateur de foot. Moi, je ne suis pas le foot, mais on m'a fait passer le lien. C'est très intéressant parce qu'il n'y a pas longtemps, il a repris une dose de vaccin et il postait. Enfin, il se mettait en. Il a fait un selfie et puis. Je ne me souviens plus exactement les statuts, mais en gros, prendre. Ces doses de vaccin, c'était lutter pour le bien-être de l'humanité, c'était lutter, c'était défendre la France, défendre la patrie, être un résistant. Et oui, effectivement, ne pas le faire, c'était être dans l'acte du mal. Et effectivement, on est dans le, c'est la même logique, en fait. On exclut, il y a un système dominant qui a les manettes, et ce système-là désigne tous ses adversaires comme des gens qui sont le mal absolu. Bah, y a les élus et puis t'as les autres. T'as les élus et les damnés, quoi. Tu vois ? Et les vaccinés sont les élus et les non-vaccinés sont les damnés. Il y a cette économie du salut, là, temporelle pour le coup, qui est à l'œuvre, qui se forme devant nos yeux, d'ailleurs. Hein. C'est assez effrayant et c'est syncrétique, en plus, parce que s'ajoute à ça d'autres choses. Vous savez, là, ce qu'ils appellent la cancel culture, le wokisme, etc. Mais les gens sont là, ouais, le wokisme, ça, ils en font des lignes, et ça, mais c'est, attends, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Je veux dire, les juifs, ils cancelent tout le monde depuis 45, ok ? Je veux dire, BHL, c'est le pape de la cancel culture. Le mec, il a effacé je ne sais pas combien de gens, donc qu'ils arrêtent. Je veux dire, moi, de voir la LICRA geindre sur le wokisme parce qu'ils n'ont plus le monopole de l'effacement, qu'ils aillent tous se faire bien enculer, c'est ça le juif. Ils ont fait ça, ça les éclatait à bloc, ils ont même fait des procès, le procès odieux de Klaus Barbie, un héros de la résistance anticommuniste, il faut bien le dire, dont je salue la mémoire, qui a été traîné dans la merde. Pareil pour Maurice Papon, pareil pour Bousquet, des gens qui ont résisté à l'emprise de la bête, qui ont été traînés dans la merde, sur pression de toute la clique des juifs, les Klarsfeld et compagnie, ces mecs-là étaient très contents d'effacer les autres. Ah, mais ils n'ont plus le monopole. Alors là, rien ne va plus, parce que maintenant, des nègres stupides peuvent effacer les autres. Des bougnoules stupides peuvent effacer les autres. Tu vois, c'est ça qui les gêne, tu vois. Et là, c'est même plus une question de monopole. C'est une question qu'eux-mêmes en deviennent les victimes de la cancel culture. Totalement. Parce que tu as plusieurs personnalités de gauche très influentes dans les années 80-90, mariés à des hommes politiques ou non, hein, mais tout ce beau monde-là, politico-médiatico-universitaire, tu as de ces gens-là qui ont été victimes de la cancel culture. Pourquoi ? Parce que leur position n'était plus assez, entre guillemets, à gauche par rapport aux nouvelles générations de marxistes sociétaux et raciaux, en fait. Et ça, c'est un phénomène qui existe depuis tout le temps, que ce soit dans tous les domaines, la politique, les arts, alors peut-être pas les mathématiques, mais en fait, peut-être pas dans les sciences, quoi, mais dans tout ce qui a un caractère politique, en fait, quand on a une position de révolutionnaire et qu'on s'installe en tant que révolutionnaire et que donc on dure un peu, on ne peut plus être révolutionnaire là sur ces positions-là. Donc, quand il y a des gens qui doivent apparaître en tant que révolutionnaires, ils dépassent toujours les gens qui étaient leurs prédécesseurs révolutionnaires. Et c'est ça qu'on est en train d'assister, en fait. C'est les canceleurs des années 80-90 qui nous ont martyrisés, qui nous ont tyrannisés pendant plusieurs décennies, vont être les victimes de leur propre méthode. Et c'est un phénomène qui existe depuis la nuit des temps. Il y a ça, et j'ai l'impression que maintenant... et ça va être beaucoup plus brutal d'ailleurs on va canceller, on va effacer des gens au nom du covidisme. Mais là, pour le coup, avec des applications sociales concrètes, parce que bon, on est bien placé en termes de cancel culture, on s'est fait canceller, le nom de domaine a encore sauté, donc on passe notre temps à se faire canceller par les juifs. Mais là, c'est les gens du quotidien qui refusent de se faire vacciner qui vont se faire effacer. C'est-à-dire, tu peux pas avoir une vie normale, tu peux pas aller au restaurant, tu peux aller en boîte de nuit, tu peux pas aller. Et ils veulent établir cet effacement, en fait. C'est-à-dire physiquement, tu ne dois plus être dans l'espace public. Il faut quand même qu'on mesure ce qui est en train de se passer. Là, on est au bord de l'obligation vaccinale, d'accord ? Des gens vont dire non, il y aura des objecteurs de conscience. Et ces gens-là, concrètement, on va leur interdire l'espace public. Ok ? Donc ça ne va plus être un effacement simplement sur Internet, vous voyez on vous empêche de vous exprimer, comme nous, et comme beaucoup de gens de nos idées qui se font censurer sur les réseaux sociaux ou poursuivre en justice. Là, on va carrément leur interdire d'avoir une vie simplement normale. On va leur dire non, vous allez aller dans l'autre case. Voilà. Et alors là, ça va être de l'effacement dur. Oui, pour filer la métaphore donc religieuse ou millénariste concernant le Covid, là. et un certain Eric Verhaeghe, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, qui dirige le courrier des stratèges, oui. écrit notamment sur le Grand Reset, etc. Et c'est quelqu'un d'assez intéressant, je crois qu'il est énarque. Et il a dit notamment le vaccin est le baptême de la religion covidiste. J'ai trouvé ça bien vu. Mais c'est ça qui est fascinant, je trouve, en Occident, c'est que comme tu n'as plus ce monolithisme de l'économie de la religion chrétienne, tu as des singeries, en fait. Tu as des copier-coller, mais ça marche toujours pareil. Tu vois, tu as le péché, la rédemption, les moyens de parvenir à la rédemption, tu vois. Mais c'est toujours conditionnel. Ça peut toujours être remis en cause, quoi. Et c'est là qu'en fait, c'est le péage. Et le péage, bah, faut payer, quoi. Et on est en plein là-dedans, quoi. Je veux dire, c'est pas un vaccin et le salut, tu vois. C'est pas traverser la mer Rouge. Hein. C'est le rappel, quoi. Tu vois. Et moi, j'attends le rappel le dimanche, en fait. Hein. Moi, j'attends le rappel le dimanche. Je veux dire, je pense qu'on va y arriver. Tous les dimanches, un rappel dans l'épaule. Voilà. Sur consigne donc de l'évêque Fischer, de l'évêque Hirsch, de l'évêque Salomon, de l'évêque Lévy, des drôles d'évêques hein, qui ont plutôt des gueules de rabbins d'ailleurs. Hein, mais on va vers ça. Moi je le constate, hein, je constate. Et la culture de l'effacement va être brutale. Hein, à mon avis, ça va être brutal. Sauf s'il y a une résistance, on va voir. Sur le courrier de notre auditeur, est-ce que c'est ce qu'il dit d'ailleurs notre auditeur. Il dit voilà, il y avait une espèce de l'impression que c'était la quête après la messe quoi. Il faut faire un don pour l'UNICEF. Tu parles payer des bureaucrates de l'ONU à rien branler. Ah putain, ça me ferait mal. Mais c'est ça. Alors là, il a la chance parce qu'il a eu son PCR, mais la prochaine fois, c'est Picouze. Hein. Mais là, on va aller sur des tensions. Ça va dépendre, mais on va aller sur des tensions parce qu'il y a des gens qui ne vont pas accepter de se faire piquer. S'ils n'acceptent pas de se faire piquer, là, que ce soit la Grèce, l'Espagne, l'Italie, etc., là, niveau tourisme, ils vont tirer la gueule, les mecs. Donc, je sais pas. Il y a beaucoup de normies qui sont vaccinées pour partir en vacances. Quoi. Ah ouais, ça, non. Et même des jeunes. Moi, je vois des gens entre 20 et 25 ans qui se vaccinent. Ah ouais, ça fait un an que j'ai planifié mon voyage, alors tu comprends hein. Les mecs, tu sais, ils travaillent pour. Allez, c'est à peine plus que des smicards, quoi, tu vois. Ouais. Les mecs, ils doivent bosser pour 1500. Allez, si c'est pour 1600, 1700, c'est le bout du monde. Les mecs, je comprends, tu sais, ils travaillent, ils se font chier, ils ont envie de partir en vacances, profiter de la vie, entre guillemets. Mais. Putain, on dirait des esclaves qui remuent la queue, quoi, tu sais. Non, c'est des chiens qui remuent la queue parce qu'on leur a filé un os, quoi. Moi, ça me foire de moi, en vrai. Bah, c'est le côté grégaire que dénonce notre auditeur dans son... Il faut pas rêver, il n'y a pas que des idéalistes et des gens dotés d'une volonté, d'une véritable volonté dans les masses, on le sait, voilà. Les gens, ils sont... Et ce qui est vraiment effrayant, c'est que les gens qui nous dominent le savent, parfaitement. Ils ont des batteries de psychologues, des psychiatres, pas rêver, le marketing, ils connaissent tout ça, ils savent très bien... Qui tu peux faire suivre quoi hein. Ils le savent, hein. Et ils en abusent, bien sûr. Mais bon, hein, si t'es prêt à foutre en l'air ta génétique, simplement. J'avais vu ça. Rappelez-vous, je sais pas, vous avez pas vu cet extrait là, un connard. Il disait ah ouais, mais moi je veux, j'en ai rien à foutre de foutre en l'air mon ADN. Je vais aller en boîte de nuit. Je vais aller en boîte de nuit, ouais, non, mais bon, écoute, si tu veux, bon, t'es un sous-homme, t'es fier de l'être, écoute. Moi, j'ai envie de dire, avec ça, normalement, tu dois gagner un prix. Tu vois, le prix, c'est direction la Pologne, tu vois. Normalement, c'est ça, t'es un sous-homme. Darwin Awards, hein, peut-être. Ah bah ouais, non, mais t'es un sous-homme, t'es fier de l'être, t'es fier d'être un esclave, pas de problème. T'as gagné un voyage gratuit, aller simple, par la SNCF, tu vois, on va renouer avec la grande époque, on va remettre au boulot les mecs de la SNCF, ça fait quand même... 76 ans que les mecs se tournent les pouces, on va quand même un peu les faire un peu turbiner aussi, quoi. Et hop, direction l'Est, ils vont travailler, ils vont servir à quelque chose. On va les faire voyager utile. Le plus triste là-dedans, en fait, c'est que le mec, pourquoi est-ce qu'il va en boîte de nuit? C'est pas pour payer des bouteilles à 150 balles alors qu'il peut les avoir à 15 balles au supermarché. C'est pour serrer. Il y va pourquoi? Et voilà. Donc s'il y va pour serrer, c'est quoi? Quelque part, en fait. Même si de nos jours, grâce à qui on sait, cette pulsion de reproduction a elle a été dévoyée en sexualité, tout simplement. Récréative, quoi. Utilisatrice, hein, récréative. Elle est quand même là, en fait. Donc, c'est ça le plus triste, en fait. C'est que ce mec veut flinguer sa génétique pour obéir inconsciemment à une pulsion de transmettre sa génétique. Eh ouais. C'est ouf. Complètement fou. Totalement. Est-ce que vous voulez réagir? Moi, je salue quand même, hein, l'audace de notre auditeur qui a tenu tête. C'est-à-dire qu'on l'a pas muselé. Bravo. Parce qu'il s'est quand même fait menacer de recevoir les flics à l'arrivée, quand même. Hein. Je pense que notre leader mérite une décoration de guerre. Oui. Croix de fer, deuxième classe, bien mérité. Ouais. Clark Goebbels. C'est avec sincère joie, une grande fierté que je vous remets la croix de fer de la deuxième classe au nom du Führer. Alors, on remercie Clark Goebbels pour ce témoignage qui m'a beaucoup galvanisé. J'espère quand même qu'il aura passé de bonnes vacances en famille, qu'il aura découvert le pays qui l'intéresse. Avec sa petite famille, qu'il aura galvanisé l'esprit de ses enfants par la même occasion. Il ne faut pas rester sur une touche négative, hein, quand même. Troisième courrier, on a beaucoup de courriers cette semaine, et moi j'adore ça. Alors bonjour à toute l'équipe de DP, je vous écris pour partager avec vous une anecdote personnelle récente qui prouve, s'il en était encore besoin, que les boomers sont définitivement une génération d'ordures. Ça va, c'est modéré comme entrée en matière ou pas, ça? Hein? Je pense que oui. Ça va. Ma compagne et moi habitons ces temps-ci un petit hameau d'une zone semi-urbaine. Pour des raisons pratiques, nous garons une de nos voitures le long de notre clôture, de manière à ne gêner personne. Ce n'est toutefois pas du goût de nos voisins boomers d'en face qui estiment littéralement que la rue et tout le hameau leur appartiennent et considèrent que nous n'avons même pas le droit de nous garer devant chez nous. Jusqu'à récemment, cela n'allait pas plus loin que quelques remarques désagréables auxquelles nous ne prêtions pas attention. Ce couple d'empaffés sans enfants a tout de même fini par appeler la police à notre sujet, police qui s'est déplacée à leur demande pour nous verbaliser et tout cela en notre absence. Nous sommes donc allés voir ces vieux schnocks pour nous expliquer directement avec eux, ce qui fut totalement stérile car ils se sont contentés de nous insulter, de nous dire fièrement que c'était bien mérité et de nous reprocher d'habiter ici. Nous sommes pourtant des locaux, au même titre qu'eux, mais de leur propre dire, le simple fait que nous soyons nés plus tard nous prive à leurs yeux de tout droit sur notre propre terre. Fort étrangement, ces mêmes boomers se sont montrés moins scrupuleux quand il s'est agi de vendre une partie de leur terrain à des nègres. Par ailleurs, ce couple des enfers a déclaré vouloir porter plainte pour menace de mort à notre encontre, du fait que j'ai soigneusement rappelé à ces braves gens qu'ils avaient déjà un pied dans la tombe, contrairement à nous. Bref, je m'arrêterai là pour cette anecdote qui parle d'elle-même et je tiens à féliciter au passage la police républicaine, toujours prompte à intervenir sur des menaces prioritaires. J'aurais également pu vous conter nos divers déboires avec nos anciens propriétaires lorsque nous étions en location, tous des boomers, et prêts à nous traîner devant les tribunaux pour gratter quelques sous sur leur caution. J'aurais également pu vous raconter cette fois où je suis revenu en retard à mon travail, au supermarché, où j'étais passé rapidement m'acheter un sandwich, les boomers, avec leur caddie plein à craquer, non seulement refusaient de me laisser passer, mais en plus voulaient me doubler, car eux avaient une carte de priorité. Cette génération d'enculés, à quelques trop rares exceptions près, est une véritable plaie pour les Français de notre génération. Heureusement, nous partons très bientôt pour un territoire de la Grande Bourgogne blanche et serons plus tranquilles, quoiqu'il faudra malheureusement continuer à cotiser pour payer les croisières de ces vieux cons. Salutations solaires à toute l'équipe de DP et merci encore pour votre immense travail de réinformation. Et c'est signé le chef cuistot de Buchenwald. Oh, j'adore tes plats maison, Cuisto. Faudrait que je passe plus souvent à Buchenwald, je suis très occupé, mais j'aurai l'occasion lors d'un transport collectif de venir visiter les lieux et je passerai au self. Tu passeras avec ton chien Arbyte, peut-être. Voilà, bah, je compte bien en faire l'acquisition. Voilà. J'hésitais avec Arbyte ou Himmler. Mais bon. Sinon, tu t'en prends deux et puis tu les appelles Ausweis Papier. Ça marche dans les deux sens. Ça. Alors, messieurs, bon, bref, alors, oui, alors, donc, les boomers sont des enculés. Bon, enfin, je veux dire, c'est... Parfois, on nous le reproche, hein, on nous dit, non, non, c'est pas vrai. Alors, en fait, on nous reproche tout. Sur les femmes, c'est pas vrai. Sur les boomers, c'est pas vrai. Sur les juifs, c'est pas vrai. Sur les je crois qu'il y a que les bougnoules qui font consensus, en fait. Et encore pas tous. C'est plus genre, oui, mais les musulmans qui pratiquent trop leur religion, machin, truc. Donc, en gros, les 3000 militants d'Al-Qaïda en France, quoi. Donc, en dehors ça, tout va bien en France. Vous voyez, c'est un peu ce truc-là. Ouais, c'est parce que les gens sont pas foutus de sortir les doigts du cul et de sortir de leur situation personnelle. Ah ouais, mais moi, mon grand-père, il était vachement cool, il me donnait de l'argent. Et puis, mon voisin, Mamadou, il me rend gavé de service, tu vois. Alors, je peux pas te laisser dire ça. Ah bon, les mecs, j'en peux plus. Hein. Oui, il y en a des biens, quoi. Comme disait Didier Super. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, il y en a des biens, quoi. Alors, bon, évidemment, il y en a des biens. Évidemment, il y a des boomers qui sont bien. Fulbert, la preuve, vivante. Il y en a des biens. Fulbert, il est là. Merci, merci. Non, mais c'est vrai. Il en a avoir marre, Fulbert, d'entendre les des cons comme nous déblatérer sur sa génération. Mais ceci étant dit, ce que je mettrais en regard, c'est que notre génération n'est pas plus brillante. Hein, il faut le dire aussi. Mais ce que je veux dire, j'ai quand même dit ça, c'est que notre génération, c'est une génération de zombies, en fait. C'est-à-dire que eux, de toute façon, ils ont été élevés comme ça. Et ce que je reprocherais aux boomers, c'est que pour le coup, ils ont hérité d'une société fonctionnelle et racialement homogène, et que de leur vivant, la société s'est complètement multiraciale et dysfonctionnelle. Et quelqu'un, c'est vrai, qui est né dans les années 80 ou 90, et évidemment ultérieurement, est difficilement comptable de ce type de société. C'est-à-dire, en fait, eux, ils vivent là-dedans. Alors, s'ils trouvent ça cool, c'est parce qu'ils ont été complètement abrutis, mais ils n'ont pas décidé de créer cette société. Voilà. Et d'ailleurs, tout le boulot de YouTube et de tous ces connards là d'influenceurs, en fait, c'est de faire du fric sur l'existant, enfin, c'est de faire le fric sur, voilà, sois content de vivre dans cette société de merde, en gros, hein. C'est ça, en gros, en substance, c'est ça, putain, c'est cool, quoi, Mohamed, putain, il fait de la super musique, quoi, t'écoutes, moi, j'écoute des fois juste pour me marrer, quoi, je veux dire, PNL et compagnie, enfin, c'est à pleurer, quoi, c'est vraiment à pleurer, objectivement, je vois pas qui peut défendre des cas pareils, quoi, et, donc il y a des influenceurs qui leur disent ça c'est super en fait, ça c'est le top du top du top, t'as tellement de chances de vivre dans ta société aujourd'hui. Ah non, non, c'est une catastrophe à tout point de vue, mais en fait on leur dit de positiver, alors que les boomers, eux, ils ont fait vraiment des choix de société. Ils ont fait des choix de société, pour le coup. C'est comme ça que je le comprends, hein, voilà. Et bah, on est très largement dans une société qui, aujourd'hui, hein, qui est le résultat de 68, quoi. Hein. C'est quand même très largement ça. Bon, voilà. Alors après, tout le monde n'est pas là. Moi, j'ai connu beaucoup de boomers, quand même, qui étaient des gens qui s'opposaient à ça, à cette société-là, qui ne se reconnaissaient pas du tout, en fait, dans leur génération, ni dans cette société. Enfin, ils étaient contre leur propre génération. Ce qui est très, très, très inconfortable, en fait, hein, quand tu es dans une génération. Enfin, que tu es d'une génération dans laquelle tu ne te reconnais absolument pas, c'est vrai. C'est également notre cas. Hein. Bah totalement. Et tu te dis voilà, on va faire le procès de ma génération alors que moi j'ai rien à voir avec ces gens-là. Donc il y avait un côté un peu englobant qui peut être évidemment désagréable. Mais moi, je veux dire, je vais pas non plus fuir mes responsabilités entre guillemets. Moi, j'essaie de faire de mon mieux pour essayer de sortir un peu les gens de notre génération de leur carcan, mais surtout la future génération, c'est-à-dire les gamins qui sont nés à partir des années 2000, quoi. Mais même les gamins qui naissent maintenant, je veux dire, j'ai bon espoir de. Mais ce que je disais un peu avant l'émotion, Mélenchon a 70 ans, c'est un boomer, ok, il est encore occupé à pourrir la cervelle des gamins. Ok, lui, il démord pas. Bon, voilà, moi, je suis un, comment dire, un millénial, bon, bah, voilà, je me donne encore un peu de temps pour essayer de sauver un maximum de gamins blancs, pour défaire l'œuvre destructrice de cette saloperie de Mélenchon, et de sa clique, quoi. Voilà. Il y a du boulot, hein. Il y a du boulot, mais bon, c'est galvanisant, hein, y a un défi. Mais voilà, mais le témoignage, pour en revenir au témoignage de notre auditeur, oui, ce qui est flagrant, c'est, moi j'ai trouvé enfin, ça, c'est une génération qui est assez égoïste. Même très, quoi. En fait, ils se projettent pas dans l'avenir, en fait. Ils ont pas de pensée à long terme. Je l'ai vraiment constaté. Ils ont pas de pensée à long terme. C'est des gens qui raisonnent en fait en termes d'ayant droit. Ils se considèrent comme des ayants droit. Ils revendiquent et j'ai droit à, en gros. D'accord. Donc, et ce qui est très marrant, c'est que d'un côté, ce sont des gens qui ont voulu lutter contre les normes établies par les possédants. Ce sont des gens qui, c'est parmi eux, hein, qui ont les plus grands soutiens de la Révolution française. Et finalement, c'est les mêmes qui, une fois arrivés en place, bah, s'arrogent tous les droits, les pouvoirs, et qui, comme tu dis, réclament des droits. Et ou un traitement particulier qui leur est réservé parce que, mais couille. Mais de toute façon, il faut pas sous-estimer, parce que les gens disent, ouais, mais non, mais c'est un peu gros, parce que c'est, il y a les juifs, etc. Mais bien sûr, mais les juifs, c'est une petite fraction. Les catalyseurs. C'est une petite fraction de la population, ok? On est sur une société de masse au plan culturel, de consommation. De toute façon, la société de consommation, c'est une société de masse, ok? C'est le chiffre, c'est le volume qui compte. Et c'est complètement corrélé avec la démocratie. C'est-à-dire, il faut le maximum de voix, quoi. Donc, oui, les juifs, en tant que facteur d'influence, mais, en dernière instance, il vous faut le volume. Hein. Il vous faut le volume. Et comment dirais-je... ces gens-là vont survoter, quoi. Je lisais un papier intéressant de Fourquet. Je cite souvent ce sociologue, mais je dis, il fait un travail plutôt objectif. Plutôt objectif. Là, il a fait un papier pour la Fondation Jean Jaurès, parce qu'en fait, Fourquet est un homme de gauche, hein, c'est un sociologue de gauche. Vous allez me dire, c'est redondant, puisque par définition, la sociologie, c'est c'est une science molle de gauche. C'est un fait. Mais on peut quand même avoir des fois des éléments factuels. Et alors, Fourquet, pour la Fondation Jean Jaurès, fondation du Parti Socialiste, a proposé une analyse assez objective des raisons de l'abstention. Et il a dit un truc assez intéressant, c'est en gros, il y avait une fracture générationnelle. Donc il dit les gens qui ont exulté en disant le retour de l'ancien monde avec le PS, les Républicains, qui ont été reconduits à la tête des régions. Il dit c'est bidon, parce que quand tu t'intéresses à la participation par génération au vote... En gros, t'as les vieux qui continuent difficilement à voter, c'est un peu plus de 50%, et les jeunes, c'est 82% d'abstention, parfois 84%. Voilà, il dit, en fait, cette espèce de rituel démocratique, républicain, comme quand on allait à la messe, il dit, ça y est, chez les jeunes, c'est mort, c'est fini, ça n'existe plus, ils en ont rien à foutre. La démocratie n'intéresse pas les jeunes. Et ensuite, il rentrait dans des détails du suffrage, il disait en fait, les jeunes, quand ils veulent voter un petit peu, c'est en gros, c'est un peu en mode télé-réalité. Il faut un truc qui leur parle un message individualisé, qui s'intéresse à eux, mais plus un message de groupe, plus un message de combat social, etc. Je sais pas quoi, pour les revenus, les trucs, ça marche plus du tout. Et là, je me disais, là il touche quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une fracture générationnelle, donc les vieux vont voter en masse, au présidentiel, ils vont voter en masse, et plus ça va... Plus il y a un problème, parce que le cadre institutionnel permet de reconduire des gens au pouvoir, comme Macron, élu par des vieux, qui essayent de parler comme un jeune, c'est marrant, hein, ça comme, et les jeunes, eux, si vous voulez, ils s'en foutent de la démocratie, bon, c'est aussi c'est une jeunesse multiraciale aussi, hein, faut le voir, et en fait, on leur met sur le dos l'endettement de masse, qu'ils vont devoir rembourser, ils ne votent pas, ils ne se reconnaissent pas dans le système, Ce truc va s'effondrer, c'est clair. C'est clair, tu peux pas avoir un système qui prend les décisions aussi radicalement en opposition avec les intérêts des nouvelles générations sans avoir le soutien de ces générations qui même s'expriment plus, quoi. Ça va pas fonctionner. Et la rupture approche, elle approche. Donc on est fondamentalement sur une rupture générationnelle. C'est évident. Alors, la rupture, c'est simple, hein, c'est quand les boomers sont trop vieux. Ils ont peut-être 10 ans devant eux. Quand il n'y aura plus les boomers, bah bonne chance. Ouais, c'est ça, voilà. Il y a encore 10 ans de ce cauchemar devant nous. C'est-à-dire la même chose, mais puis comme ils sentent qu'il n'y a plus de jus. Peut-être ils filent des coups de pied, à la plèbe. Hey, remue, puis il n'y a plus d'énergie dans la viande, quoi, tu vois, ça répond plus. Bon, ils durcissent, tu vois, ils disent... Et là, ce qu'ils sont en train de faire, parce que c'est ça, n'oubliez pas que toute la crise créé de A à Z du Covid, ça a consisté à quoi? C'est on demande aux jeunes actifs et aux jeunes tout court, mais aux actifs, donc en gens, enfin aux gens qui ont une vie active, quoi, ça peut même être jusqu'à 50 ans, hein, mais on leur demande d'arrêter tout. Ils arrêtent tout. Activité économique, activité sociale. Pour sauver les vieux, en gros. Quand tu t'intéresses statistiquement, tu te rends compte que c'est même pas tellement de vieux que ça, parce que c'est en gros 100 000 et quelques. Bon, ouais, bon, quelle nouvelle, super. On nous dit, ouais, catastrophe, etc. Mais attends, la France a 67 millions d'habitants, et 100 000 vieux qui sont morts, quel est le problème? Ils seraient morts d'autre chose, de toute façon. Bon, bref, donc non affaire. Évidemment, tu dis ça à la télé, t'as tous les boomers qui crisent, ils te sortent aux élections suivantes, évidemment, parce qu'il y a que qui votent, pratiquement. Et du coup, dans ce système-là, dans ce système covidiste, en fait, tout est conçu pareil pour les boomers et les vieux. C'est pour sauver les vieux qu'on a foutu en l'air l'économie, quoi. Qu'on suspend l'activité sociale. On va se bouffer ça de plus en plus. Ils vont dire, putain, il faut serrer les boulons, alors là, il faut le passeport, le truc. Et au bout d'un moment, ce qui va se passer, quoi, c'est que les jeunes, je parlais des jeunes blancs, quoi, hein, bon, mais même les jeunes en général, y compris les... Au bout d'un moment, les mémoires, attendez, votre truc, là, ça va durer combien de temps, exactement? Parce qu'ils sont en pleine santé, en fait, les types. Donc, ça va durer combien de temps? Et là, on va vers la rupture, je pense. C'est qu'au bout d'un moment, il va y avoir... Le Covid risque, en fait, de déclencher cette rupture, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on va dire, bon, putain, on s'en fout des vieux qui crèvent, quoi. Il risque d'y avoir cette réponse-là, quoi. On s'en fout des vieux qui crèvent. Et nous faites plus chier avec vos conneries. Je pense que c'est ce qui se passe. Moi, je regarde les grands patrons du Great Reset, c'est que des boomers. Hein. Klaus Schwab, c'est un boomer, un archi-boomer même. C'est tout ça, quoi. Enfin, c'est une vision du monde. Je parle même, et en plus, je m'arrête, on parlait un petit peu avant de la religion de l'Holocauste, mais c'est leur religion. C'est leur religion. Avant les boomers, la religion de l'Holocauste, ça n'existe pas. Moi, j'ai connu des gens qui ont vécu la guerre. Ils n'en avaient rien à branler, des juifs, et rien à foutre, d'accord? C'est la religion des boomers, qu'ils essayent de nous transmettre, et dont on n'a strictement rien à branler, il faut quand même bien le souligner, on n'en a rien à branler. Les chambres à gaz imaginaires de Moshe, on n'en a rien à branler, on s'en badigeonne le pourtour anal de tes chambres à gaz imaginaires, Mosquée. Non mais on n'en a rien à foutre. Moilec sort de ce corps. Bah oui, il y a un conformisme matérialiste chez les boomers matérialistes, puisque donc c'est une génération qui a totalement abandonné l'idée de transcendance. De bon, alors évidemment le clergé n'était pas non plus irréprochable certainement, mais alors par contre comme facteur explicatif, pas pour les sauver ou quoi que ce soit, pour essayer d'expliquer un peu, c'est des gens qui étaient jeunes, qui sont nés dans les années, ou qui étaient enfants dans les années 50-60. Donc à ce moment-là, d'après les témoignages que j'ai, quand même, les gens étaient modestes. Pour la plupart des Français, ils étaient pauvres. Et les gens, leurs parents travaillaient, mais ils n'avaient pas grand-chose. Donc, finalement, il y a une amélioration de la vie dans les années 70-80, qui s'est faite par l'État, enfin dans le cadre en tout cas de l'État. Ce qui fait qu'eux, il y a comme une sorte de confiance inébranlable, quoi. Alors là, l'État, oui, bon, c'est eux qui garantissent la retraite, c'est eux qui garantissent la vie en commun, c'est eux qui garantissent qu'on n'ait pas de guerre non plus, parce que c'est une génération qui n'a pas connu la guerre, etc. Donc, du coup, dans le cadre du Covid, bon, non, il y a des restrictions, s'il faut rester chez nous, et bah, oui, c'est l'État qui l'a décidé, c'est pour notre bien. Si on a 300 milliards d'euros de dettes qui s'ajoutent à 2000, c'est pas grave, c'est l'État qui. Voilà, ils savent faire, quoi. Ils ont remis les clés totalement du camion aux dirigeants politiques. Ouais. Non, mais il faut bien comprendre la dimension vraiment générationnelle de cette société. Sinon, on peut pas le comprendre. Et la génération des millennials, on est charnière. Et ce qui doit d'ailleurs nous animer à la différence des 68ards, j'ai été en contact des 68ards très souvent, même mes parents sont des... Enfin, 68ards, c'est ceux qui adhèrent au discours, mais de toute façon, ils adhèrent plus ou moins à tel ou tel élément du discours 68ards. Même si c'est pas des gens qui ont fait mes 68, ils adhèrent en partie. C'est que je crois que la grande différence qui pour notre génération, c'est de transmettre. Je dis pas que c'est le cas, parce que je pense que notre génération est quand même merdique aussi. Je pense qu'elle est merdique. on a une génération merdique. Elle a des excuses, mais elle est merdique. Et, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de transmettre aux jeunes générations. Donc là, typiquement, vingtenaire, de 0 à 20, en fait. De 0 à 20, il faut qu'on leur transmette un héritage. Donc des références, ça peut être des références spirituelles, des références politiques. C'est pour ça, dans l'émission, ce que j'aime bien aussi t'entendre, on parle de trucs un peu des années 80, c'est parler Chirac, le RPR, des trucs, c'est des trucs un peu vieux, voire franchement vieux, mais c'est important, ça permet, même de parler de Giscard, ça permet d'un petit peu de baliser. Même si pour des jeunes de 20 ans, ça paraît très très loin, etc., mais ça permet de voir d'où vient l'évolution, notamment l'évolution de la gauche. Ouais, parce que la gauche actuelle, enfin les gauchistes actuels, ils n'étaient pas comme ça avant, hein, je veux dire, sous Mitterrand, c'était complètement autre chose, les communistes, etc. Donc il y a une filiation, c'est bien d'expliquer cette mutation, de donner ces éléments-là à des jeunes qui n'ont pas de repères, parce que de toute façon, ils vont rien apprendre à l'école, parce que voilà, enfin, ils vont apprendre la vulcade gauchiste, ou wokiste même maintenant, donc des déjections juives, quoi, en gros, quoi, ou négroïdes, enfin des trucs, ou de gouines à cheveux bleus, enfin des trucs complètement... Donc, de leur donner des références, ça, c'est très important, je veux dire. On a besoin de jeunes qui ont des références, d'accord ? Pas pour être verbeux, mais simplement pour piger ce qui se passe, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est important de transmettre. Pour moi, c'est ça. Si on me dit, à quoi ton truc, il sert ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Transmettre. Je veux transmettre à des jeunes. Pour qu'ensuite, ils transmettent à d'autres. Parce que j'ai bon espoir que la race blanche se relève en Europe, quand même. D'accord. Alors, c'est pas simple, et ça va être dans un environnement extrêmement toxique, mais les Blancs vont relever la tête. Et t'as pas tout le temps la tête au fond du seau. Donc des gens vont relever la tête, des jeunes vont relever la tête, vous voyez, parce qu'ils n'auront pas le choix, je veux dire, ça sera ça ou la mort. Donc ils vont avoir besoin de points de repère, quoi, si vous voulez, quoi. Qu'ils soient des points de repère, moi que j'ai reçu, je veux dire. Moi, j'invente rien. Moi, j'ai reçu beaucoup de trucs. C'est pour ça que je mets pas tous les. J'ai aussi des. Je connais des collègues, c'est des boomers qui étaient totalement contre-courant de leur génération et qui ont transmis. Vous voyez, c'est un peu le même effort en fait, quoi. Pareil dans ma génération et ensuite dans la suivante, quoi. Voilà. Il faut et essayer de déléguer aussi aux jeunes, quoi. J'aimerais voir plus de jeunes s'investir. Pas être consommateur seulement. Vous voyez, ça c'est une mauvaise attitude, ça. Il faut qu'ils soient plus acteurs, les jeunes. Qu'ils soient plus acteurs. Ouais. Pas simplement attendre que les choses se déroulent, quoi. Prendre le taureau par les cornes. Ouais. C'est leur destin qui est en jeu, hein. Je veux dire, c'est celui d'aucun autre, hein. C'est le leur, quoi. Voilà. Mais j'irai pas leur faire la morale, parce que c'est pas simple. Quand t'es un jeune, c'est pas simple. D'ailleurs, c'est vrai qu'il faudrait que les jeunes, quand on dit jeunes, hein, c'est... Pour moi, les jeunes, c'est les gens qui ont pas 80 balais, quoi, même pas 60, quoi. Et c'est vrai que... Nous qui parlons de futur en environnement hostile, il faudrait que, et aussi de faire une communautarisation, jeunes auditeurs, si vous m'entendez, si vous n'êtes pas encore à votre compte, essayez de le devenir, c'est pas forcément évident, mais les récompenses peuvent être grandes, tant du point de vue individuel, parce que vous pouvez gagner correctement votre vie, être financièrement indépendant, mais également parce que vous pourriez embaucher des gens de votre entourage ou des gens que vous connaîtriez par des raisons X ou Y qui sont de milieu, de facto vous participeriez grâce à votre entrepreneuriat au maintien de notre communauté, voire à la reconstruction de ce qu'il y aura à reconstruire. C'était mon petit oui, intervention. Non, mais l'autonomisation, ça c'est un objectif. Je voudrais faire une petite remarque. Oui, il faut un peu qu'on en prenne. Vas-y. Oui, nous avons commencé à parler des boomers. Très bien, je suis tout à fait d'accord malgré mon âge. Même s'il y a parmi les boomers des gens qui ne correspondent pas du tout au profil qu'on leur donne dans l'émission, parce que ce sont des gens qui avaient des gens très humbles, qui avaient de petits moyens et qui n'ont pas pu arriver dans la dernière partie de leur existence à trouver un confort absolu. Et il y en a beaucoup comme ça. Mais ce que je voulais faire remarquer, c'est surtout ceci. Les boomers, ceux qui méritent ce label, ont eu des enfants, qu'ils ont eux-mêmes façonnés, qui sont devenus des sortes de post-boomers, ouais. Je vais les appeler comme ça, et qui aujourd'hui, eux-mêmes, ont des enfants. ce sont les enfants, grosso modo, que nous connaissons maintenant. Je connais des cas, c'est pourquoi j'en parle. Et les post-boomers n'ont pas plus de valeur que les boomers. Ouais. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Et ils sont, s'il y a moins de jeunes que d'anciens, ils sont probablement majoritaires. J'espère que je me trompe, mais j'ai bien peur qu'ils soient majoritaires. Les extrêmes de ces gens-là sont devenus ceux que tu as cités, que ce soit les antifa, les femmes à cheveux bleus, les mécontents de toutes sortes qui s'accrochent à des réflexes passés et dépassés. Et les enfants d'aujourd'hui sont façonnés par les post-boomers. Que vont-ils devenir? Qui vont-ils suivre? Quelle sera leur réaction? Parce que parfois je me dis que on va les déposséder et probablement qu'ils accepteront la dépossession. Et à ce titre, je pense que le covidisme est un acte volontaire accepté, les actes volontaires, un acte volontaire d'agression généralisée contre les peuples par des individus dont nous ne connaissons que quelques représentants, mais qui donnent des ordres à nos dirigeants, à nos classes politiques, surtout dans le monde occidental. Et ces gens-là, ces politiciens, ont mis en place et aidé à mettre en place le covidisme, qui est une façon de terroriser dès le début, c'est-à-dire dès l'enfance, les citoyens qui vont venir, les citoyens de l'avenir proche et moins proche. Voilà, moi je vois la situation comme ça. Ah oui, mais moi, c'est un peu ce que j'ai dit. Je me retrouve dans tes propos, c'est ça. Hein, t'as des gens de 40. On les voit généralement, ils sont très intégrés socialement, en fait, les post-boomers. Typiquement, d'ailleurs, chez Macron, t'en as des comme ça. Macron répond à ce critère, je trouve. Absolument. Macron, c'est vraiment l'incarnation du post-boomer. C'est-à-dire, le mec, c'est un fils de boomer, mais il pense comme un boomer. Et, et de manière assez ironique, il est marié à une boomeuse, en fait. Tu regardes ses ministres, il y en a quelques-uns comme ça. Il est marié avec sa nana, enfin la propre. J'ai envie de dire, il est marié à celle qu'il a enfantée quasiment. Mais et oui, c'est ça. Et, d'un point de vue métaphorique, en fait. Tout à fait. Et il y a ces ministres-là qui sont des fins de trentenaire, quarantenaire. Ils ont d'ailleurs des visages poupons, c'est assez marrant, comme Beaune et d'autres, enfin, qui sont homosexuels d'ailleurs. Ou Schiappa, en fait, c'est espèce d'adolescent attardé de 40 ans. Vous voyez, c'est des adolescents dans des corps de gens de 40 ans. C'est complètement bizarre. Et dont toutes les idées, toutes les valeurs sont des valeurs molles, d'étudiants, c'est vraiment de la chiasse en barre. Et en fait, c'est ça, en fait, c'est des boomers, ils sont bloqués dans le temps, ils sont bloqués au plan spatio-temporel, quoi. Et c'est pas du tout étonnant, en fait, que ce soit le... En fait, c'est ça, la grande escroquerie est la suivante. Ces gens-là, électoralement, ils sont faits par et pour le vote boomer. C'est le vote de Macron, hein, c'est le vote des vieux, quoi. Mais tu peux pas arriver devant les gens en disant voilà les gars c'est fashion, c'est hype, c'est classe, c'est complètement transgressif et tout avec des têtes chenues quoi, tu vois ça marche pas. Donc il te faut, les têtes chenues on va les retrouver au Front National, on va plutôt retrouver, il nous faut des jeunes, il nous faut il faut une vitrine différente. Et c'est ça tout le sujet et on nous présente ça en fait. Mais en fait la cam est la même. Donc c'est ça qui est vachement vicieux en fait, c'est que tu regardes, ouais, tu vas avoir ce qu'ils appellent de la diversité, tu vois, des noirs et des arabes, tu vois, même au Parlement, tu vas avoir des noirs et des arabes. Pourquoi ils insistent énormément sur la diversité, tu vois. Mais c'est un écran de fumée, c'est pour te faire croire que ce système-là, il est à ton image, et c'est autant pour rouler dans la farine d'ailleurs, les gens qui sont d'origine immigrée, parce que les jeunes d'origine africaine ou d'origine nord-africaine, c'est pour leur faire croire qu'ils ont une place dans le système, mais il ne faut pas rêver. Dans ce système-là, ces mecs-là, ils ne sont pas en haut, ils sont en bas, comme les petits blancs. Hein, il faut bien comprendre la hiérarchie dans ce système. Il y a... c'est pas les Arabes aux commandes, hein. C'est pas les Noirs aux commandes. Hein. Personne ne se trompe là-dessus. Hein. C'est les Juifs aux commandes. Hein. D'accord ? Les Juifs et leur bataillon d'électeurs de baby boomer, hein, c'est ça le truc. Et donc, ils ont cet écran de fumée et ça marche formidablement bien. Voilà. Je voudrais, moi, un peu nuancer sur la génération des millénials. Génération Y, génération des... qui est née entre 80 et 2000. Bon, là, honnêtement, moi, je pense qu'il est peut-être un peu tôt pour les juger. Dans le sens où c'est une génération qui n'a pas encore tout à fait atteint 40 ans. Enfin, les premiers commencent à avoir 40 ans. Je crois que vraiment, jusqu'à 20 ans, on est le produit d'un peu de son conditionnement. Il faut au moins attendre la quarantaine pour commencer à digérer tout ça, à faire la part des choses et vraiment devenir soi-même. Et le temps de pouvoir faire un certain nombre de choses, il faut au moins attendre 60 ans. Moi, je crois qu'il faut au moins attendre que cette génération commence à avoir 60 ans pour en faire le bilan. Autant pour les boomers, c'est plié, je veux dire, le bilan des boomers, vous l'avez entre 2000 et 2020. On est en plein dedans. C'est ça, c'est le bilan des boomers, vous le vivez tous les jours, vous allumez votre télévision, vous ouvrez votre fenêtre, vous avez le bilan. Autant pour la génération des millénials, même si je ne suis pas furieusement optimiste, hein, voilà. Bon. Mais je crois qu'il est un peu tôt pour les juger, laissez-leur au moins, je pense, bah, déjà qu'ils aient 60 ans, donc ça ne se passera pas avant 20-30 ans, quoi. Dans 20 ou 30 ans, on pourra commencer à les juger. Mais là, là ça me paraît un peu trop c'est, tôt. C'est vrai que c'est, tu marques un point. Et puis, je tenais à dire, évidemment, bon, il faut faire la part des choses. On critique les boomers. Mais vous savez, les boomers, c'est comme les Arabes et les Noirs. Il y en a des biens. Il y en a des biens. Non, mais il y en a des biens. Il y en a vraiment des biens. Hein. Je veux dire, moi, j'ai eu des... Enfin, j'ai des amis qui sont des boomers... Comme je l'ai dit, qui sont pas du tout, dans le... qui se reconnaissent pas dans la génération. Non, mais il y a des individualités, mais je me moque, hein. Mais il y a des individualités, mais collectivement. Ouais, voilà. Ouais. Honnêtement, ils ont une responsabilité qui est très grave, quoi. Il faut pas non plus se cacher derrière systématiquement son individualité pour pas prendre ses responsabilités collectives, quoi. Ouais, on arrête un petit peu avec j'ai un ami boomer. On arrête un petit voilà, peu. Voilà, j'ai un ami boomer. Non, mais quand même, on a des biens. Non, je vous vois depuis tout à l'heure. Vous prenez tous des précautions. Non, collectivement, vous êtes des véritables Attila, vous avez été une génération de barbares, c'est un véritable massacre. Vous avez même réussi à mettre en danger le peuple de façon ethnique, ce qui est une première. Non, vous êtes une catastrophe, vous êtes un nuage de sauterelles, les boomers. C'est la pire génération ever, quoi. Ça, c'est clair, ouais, ça, c'est clair. C'est clair. Mais, vous savez... Il y a, en Belgique, hein, les Belges sont pas plus malins que les autres, mais en Belgique, il y a un type qui a fait l'observation de ce qui se passait. Et il a sorti un bouquin à la fin des années 90. Il s'appelle Marcel Paquet, c'est un philosophe pas connu. Et lui a véritablement décrit ce que nous vivions à l'époque, ce qui était déjà bien entamé. Si vous permettez, je vous lirai un... Je vous lirai un petit passage de son livre. Ça vous convient ? Oui. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Il faut remplacer le mot belge, évidemment, par français ou européen. C'est la même chose. Il faudrait aussi remplacer monarchie par État. D'un point de vue philosophique, les Belges ne sont ni un peuple de citoyens, ni une nation démocratique. Ils ne sont qu'une population amorphe, aussi étrangère à la vie politique que l'étaient dans la démocratie athénienne les esclaves ou les métèques. Cette population apolitique a laissé les partis bricolés au service immédiat de leurs dirigeants et un recul de la monarchie de l'État. Hein. Et des modifications constitutionnelles qui, à partir de 1970, n'ont cessé de retirer du pouvoir aux gens pour le transférer dans des proportions, scandaleuses à la classe politicienne. Bien, si l'on relie à ce que j'ai dit précédemment, ou qui m'a amené à citer le covidisme, eh bien, cette classe politicienne est occupée avec précisément le covidisme actuellement, à recruter dans des corps de métier, la médecine en l'occurrence, des complices, des obligés, des assujettis, des gens qui subissent des pressions, des gens qui sont parfois stupides, tout médecin qu'il soit, tous ces gens deviennent des complices. Et indirectement, par les effets directs du covidisme, on est occupé à détruire ceux qui pourraient s'opposer à cette situation, à cet état de fait, mais aussi trouver d'autres alliés moins visibles. C'est en fait ce que nous vivons maintenant et qui découle directement du problème cité au début que sont les boomers. Alors messieurs, je vous propose de faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Sex mine sveinar heime væra, jøy med det gulle ball. De are sex på heidningsland, og røyne de jønn i kall. Ria de ut ur fremlande, med dyre drås i sadel. Blæs i røren nord i vann, og rusar bollen. Bønne de opp det silkesegel, høgt upp i segler rå. Så seglar de på heidningsland, og i virke vi kunne tå. Ria de ut ur Franklande, med dyre drås i sadel. Blæs i døren nord i vann, på rusar bollen. Sloges de ut på rusar bollen, i dagane tå og tjå. Heidningen fall for Rolands herre, som storren for goa tå. Ria deg ut ur Franklande, med dyre drås i sadel. Blæs i døren nord i vann, på rusar bollen. Sloges deg ut på rusar bollen, for å deg alle freie. Heidningen fall for Rolands herre, som snjoen driver til heie. Ria deg ut ur Franklande, med dyre drås i sadel. Blæs i døren nord i vann, på rusar bollen. Sloges deg ut på rusar bollen, trøyte mennar og moe. Sol i fekken skjer skine prak, for røyken av manneblod. Ria deg ut ur Franklande, med dyre drås i sadel. Blæs i døren nord i vann, på rusar bollen. Roland satte luren på blodiga mund, i pläsan i med vreie. På rinna jord og jarer, og jo i berav i verheie. Ria der ut ur Franklande, med dyre drås i sadel. Blæs i luren olivan, på rusar bollen. Fram så kom det lura jord, i det sokk ut i slier og gjeng. Roland blæs sine augo på paus, og hardt på dem heidningen trengde. Ria deg ut ur Franklande, med dyre drås i sadel. Blæs i døren nord i vann, på rusar bollen. Heimat kjem han Magnus kongen, det sette seg alle raue. Han har full kjeppe med sylt og guld, og då var alle heidningan daue. Ria deg ut ur Franklande, med dyre drås i sadel. Blæs i luren nord i vann, på rusar bollen. Nous revoici pour cette deuxième partie de Démocratie participative, saison numéro 6, épisode 26. Rubrique suivante, chers amis, c'est la droitarde de la semaine, et là, c'est de l'exceptionnel. Vraiment, mon alter ego féminin, Gandalf féminin, incroyable, mais vrai. que j'ai découvert grâce à un lecteur attentif qui nous a communiqué la copie de l'article. Envoyez les copies d'articles, d'ailleurs, chers auditeurs, quand vous avez une information comme ça dans la presse locale, parce que tout n'est pas répercuté sur le net. Hein. Même dans votre presse régionale, si vous avez un site favori, il ne répercute pas systématiquement tout ce qu'ils impriment sur la version net. Et ça, c'est un cas d'école. Alors, c'est article signé Guy Boscherts. Ça fait un nom flamand ou belge. Je ne sais pas exactement le quoi du caisse. Mais vraiment, je suis conquis. Ça se passe dans le sud de la France, vous allez le découvrir. Donc, ça, c'est paru dans l'Indépendant de Perpignan le 8 juillet 2021. Ok. Donc, à Perpignan, vous savez qui est le maire de Perpignan, c'est Louis Alliot. Hein, Perpignan sinistré racialement, des gitans, des bougnoules absolument partout. La presse locale rongée de francs-max socialistes absolument dégueulasses. Enfin, illisible, des envies de Quatrième Reich irriguent mes veines à chaque fois que j'entends parler de Perpignan. Je connais très, très, très bien le secteur, je tiens à le préciser, Saint-Cyprien notamment. J'aurai peut-être l'occasion d'en reparler, mais alors, article exceptionnel. Le titre de l'article, hein, carrément, citation, c'est une citation parce qu'il y a des guillemets. La race blanche est en haut de la chaîne alimentaire. Condamnée à 7 mois de prison, une détenue incarcérée à Perpignan n'a eu de cesse d'outrager et de menacer de surveillantes, le tout assaisonné de propos racistes et d'idéologie nazie, nous dit donc Guy Boscherts, qui est une espèce d'infâme plumitif d'extrême gauche qui noircit du papier pour le compte de l'Indépendant, qui n'a d'indépendant que le nom puisque c'est une feuille de chou à la botte du pouvoir juif établi. Alors, tu vas crever, une bastos, une matone éliminée. Mort aux baiseuses de Bougnoules, la race blanche pure et aryenne est en haut de la chaîne alimentaire. Quelques exemples de ce que les deux gardiennes devaient subir au quotidien. Des propos ou des écrits souvent agrémentés de dessins d'armes ou de symboles nazis. Une attitude qui amène les deux fonctionnaires à déposer plainte et qui renvoie une fois de plus la détenue devant le tribunal. Dans son casier judiciaire riche de plus de dimensions, les outrages sont monnaie courante devant ses juges. La trentenaire explique haut et fort qu'elle agit face à la provocation des surveillantes, qui la prive de ses affaires et l'insulte. Particulièrement l'une d'elles qu'elle surnomme Shrek. Extraordinaire. Un sobriquet qu'elle lui donne en s'adressant au tribunal. Vos propos sont nauséabonds et contraires aux principes de la République, martèle un président sincèrement outré. Ah, mais ça, je n'en doute pas qu'il est sincèrement outré, cette espèce de face de punaise. Oui, j'estime que la race blanche a plus de valeur que les autres. Vous en êtes convaincu? C'est une certitude! En partie civile, Maître Pelletier rappelle que l'on a retrouvé des armes artisanales dans la cellule de la prévenue. Et ensuite, nous avons eu ces menaces de mort par écrit qu'elle a confirmées devant la commission disciplinaire. Et sans aucune repentance, imaginez que mes clientes ont subi des menaces de mort 45 jours durant. Elle est dans le mépris, enchaîne la procureure, donc c'est une traînée de magistrate hein, qui joue son numéro, dans la haine absolue. Elle fait régner la terreur, ses propos font froid dans le dos et ses desseins sont sans équivoque. Elle légitime son comportement et on peut craindre qu'elle passe à l'acte. Elle requiert 14 mois d'emprisonnement. Elle souffre de troubles psychologiques, tempère en défense Maître Muffa Joly. D'ailleurs, ses propos racistes n'ont aucun sens puisque les deux surveillantes ne sont pas étrangères. L'expert psychiatre a d'ailleurs décelé une altération du discernement. Le tribunal, après en avoir délibéré, prononce un an de prison ferme avec maintien en détention car elle n'a aucune réflexion sur ses actes. et accorde ses dommages et intérêts aux plaignantes, alors que la détenue n'était entrée en prison que pour purger une peine de 7 mois auxquels auraient pu être retirés les crédits de peine. La voici maintenant condamnée à effectuer un an de détention supplémentaire par la voix de son représentant local, le syndicat UFAP. UNSA Justice, fils de pute, se dit satisfait de la réponse judiciaire et demande le transfert de cette détenue dans les plus brefs délais pour garantir la sécurité de ses collègues qui baissent des bougnoules. Oui, donc voilà, extraordinaire, génial, j'adore. C'est vraiment la rebelle arienne comme je les apprécie. Insoumise, rebelle, refusant de s'excuser, revendiquant sa résistance, y compris derrière les barreaux. Bravo, j'aimerais simplement connaître son nom pour l'aider à cantiner. Génial, je ne veux même pas savoir pourquoi elle est derrière les barreaux. Elle a déjà toute ma sympathie entièrement, intégralement et de manière irrémédiable. Qu'est-ce que vous voulez me dire là-dessus ? Moi, ça me fait tellement plaisir. Pour une fois, vous voyez, c'est pas les... Comment dirais-je ? C'est pas les autres qui sèment la terreur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah bah, si on était tous comme elle, bah, voilà, on serait tranquille ici. Djihad blanc, j'ai envie de dire. Djihad blanc, pas mal, pas mal. Ouais, il y a de l'idée, il y a de l'idée. Non, mais c'est beau. Moi, je voulais le citer, résistance de la barre. Non, mais en plus, ça dit baiseuse de bougnoule, c'est ça, mais c'est totalement ça. On a vu des... Bah oui, on a vu des vidéos aussi. Ah oui, non, mais arrête, faut arrêter. Sans déconner, quoi. C'est juste factuel, ce qu'il a dit, en fait. C'est pareil, la procure dégueulasse qui fait genre « Oh, je suis outré par vos propos, comment ça, la race blanche est au sommet de la chaîne alimentaire ?» Oui. Attendez, excusez-moi. Ça fait 50 ans que vous nous dites que les Africains, ils souffrent, que ça va pas chez eux, et que il faut qu'on les aide. Alors attends, je te dis juste un truc. Si je suis pas bon en maths, et je demande toujours de l'aide en maths, parce qu'à un moment, je suis pas bon en maths, quoi. Quand les mecs ils sont pas doués pour faire la civilisation, bah c'est juste que oui, ils sont en dessous, quoi. C'est tout. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, quand tu mesures quelque chose d'un point de vue scientifique, pas de bien, il n'y a pas de pas bien, il n'y a pas de méchant, pas méchant, tu mesures juste des faits, en fait. Tu vois, genre, tu fais 1m95, bah t'es plus grand qu'un mec 1m70. C'est factuel. Bon ben voilà, c'est factuel. On est meilleur pour créer les civilisations. Bon, quand elle le dit, quand on le dit, on se fait taper dessus. Oui, par des blancs. Voilà. Parce que c'est ça, hein, on se tapait dessus par des blancs qui font des ailes. Eh oui, mais parce qu'en fait, faut pas. C'est tabou, faut pas le dire, c'est un des commandements, que toutes les races sont égales, que tout le monde se vaut. Bah elle, refuse le commandement, elle se rebelle. Classe, vraiment classe. Alors malheureusement, les blancs devraient être tout en haut de la chaîne alimentaire, parce que c'est leur place qui leur revient de droit, en fait, par la volonté divine. Malheureusement, à cause des juifs, ce sont les juifs qui sont en haut de la chaîne alimentaire, ce qu'on appelle la démocratie. Donc, il y a des choses à remettre en place, et il faudrait que ça soit remis en place. Essayons de faire en sorte que ça soit remis en place. C'est ce que je voulais dire. En tout cas, toute ma sympathie pour cette détenue qui souffre, hein, avec effectivement des suceuses de crouille, fonctionnaires en surpoids, absolument cradingue, des antillaises, des moukers voilés en tant que co-détenus, enfin bref, l'horreur absolue, et elle ne baisse pas les yeux. Je salue bien bas la performance. Courage, jeune femme, vous n'êtes pas seule. Hein, tous les fascistes de France pensent à vous, mais si d'aventure on pourrait me donner ses coordonnées, je ne dirais pas non. Messieurs, parlons un peu de dictature sanitaire, puisque là on y va franchement. Bon, enfin ça fait bien 18 mois qu'on y va franchement. Hein. C'est pas de maintenant, mais simplement lundi soir on a une annonce de Macron. Enfin, il prend la parole en urgence. Alors 14 juillet, je ne sais quoi. Bon, bref, vous comprenez le rituel traditionnel de cette république en putréfaction. Donc, cette semaine, nous avons vécu au rythme des annonces alarmées. On a eu notamment, parce que vous vous rappelez, hein, fin juin, on lève les restrictions, ça y est, c'est bon, la vaccination se déploie, nous allons enfin pouvoir retrouver la vie d'avant, tout ça en un seul mot. Et puis finalement, ben non, parce que le variant Delta, ultra dangereux, qui tue tout le monde, comme vous le savez, eh bien, rebat les cartes. Et nous allons donc devoir rétablir des restrictions, mais nous ne savons pas exactement lesquelles. On a bien vu hein, dans les médias qu'on agitait le bâton de la vaccination obligatoire. Alors, est-ce que c'est pour toute la population à ce stade? Non, mais vous avez bien compris que c'est à cliquer. Donc, on nous a dit que finalement, c'est pour certaines professions, conférées professions médicales, EHPAD, par exemple, infirmières, bien sûr, docteurs, tout ce qui est du domaine de la santé. On parle aussi éventuellement des pompiers. Ça me semble absolument inévitable à ce stade, y compris pour les pompiers volontaires, hein, qui sont l'essentiel du tissu territorial de cette force d'intervention en France. Je ne sais pas ce que les pompiers volontaires vont faire. Je les invite instamment à démissionner immédiatement. Voilà, tout aussi simple que ça. Voilà. Voilà. Je remets ma démission. Non, merci. Hein, vous demanderez à Macron d'éteindre les incendies. Il se démerdera bien tout seul. Voilà. Je ne parle pas des forces professionnelles qui, eux, sont dans une autre optique et qui vont, comment dirais-je, qui sont bon, dans un... Enfin, c'est un autre rapport au métier. Et pour ce qui concerne les bénévoles, bon, vous voulez m'empoisonner, bon, bah, allez vous faire foutre. Hein, voilà. Demander aux politiciens d'enfiler l'uniforme et d'aller éteindre les incendies, comme je le disais. Donc voilà. Alors, ce variant Delta, commençons peut-être par ça. Je vous dis, hein, voilà, parce que c'est ce qui justifie tout le reste. Hein, la menace du Delta variant, on va tous crever, hein, bien sûr. Alors, BFM TV, hein, cette semaine, le variant Delta donne le nez qui coule, je n'invente rien, je cite, hein, d'après les scientifiques britanniques, les principaux symptômes du variant Delta du Covid-19, la fameuse giga menace qui va nous balayer, connu jusqu'ici sous le nom de variant indien, à savoir tout, maux de tête et nez qui coule, peuvent être confondus avec ceux de maladies moins graves. Maux de tête, gorge sèche, nez qui coule, ces symptômes sont souvent associés à un rhume ou à une grippe, mais d'après les scientifiques britanniques, ils sont également associés aux variants Delta ou du Covid-19, le plus répandu au Royaume-Uni, effectivement. Alors, messieurs, vite fait... Donc ce variant de la mort qui tue où tout le monde va crever, nez qui coule, petite toux un peu sèche, est-ce qu'on va survivre? Ah, je ne sais pas, là, ça va être dur. Hein. Moi j'ai peur, hein. Je ne vous cache pas, autant la première version, là, mais alors là j'ai peur, je sais pas. Ouf, bon. Je sais pas, hein. Peut-être que si j'ai un bisou de ma maman, là peut-être, mais c'est minimum, hein. Il faut minimum ça. Moi, ce que je redoute un peu, c'est les courbatures, vous voyez. Ah, courbatures, le dos, ça, le matin. Ah, ouais, bon. Je vais peut-être me faire piquer par tonton Pfizer. Peut-être franchir le cap. Je vais peut-être foutre en l'air ma génétique, simplement, pour être sûr de ne pas avoir de courbatures 2-3 jours. Bon, je fais chier, hein. J'évalue encore la situation. Quelqu'un d'autre là-dessus, là, nez qui coule? C'est BFM, hein, c'est pas moi qui... je tiens même... Bon, c'est bon. Bah, nez qui coule, moi je suis juste né avec le nez qui coule, en fait, ça fait, voilà, depuis toujours que j'ai des rhumes, donc je vous l'annonce, je dois être le patient zéro du Covid, du Cohen quelque chose. Voilà, je suis navré, c'est ça, certainement moi qui, ça, je suis navré. Sur le site, on avait baptisé ce truc-là le rhume 19, je sais pas si vous vous rappelez, le rhume 19, Pierrot avait eu ce coup de génie-là, le rhume 19. On en rigole, mais ben, voilà. il y a 20 ans, les coronavirus, c'était classé parmi les common cold, c'est-à-dire les rhumes communs. Oui, ben, c'est ce que c'est. C'est tout, oui. C'est ce que c'est, en fait, hein, depuis le départ. 18 mois track record, que tous ceux qui écoutent notre émission s'y réfèrent. C'est un fait, hein, on a dit, c'est une grosse grippe. C'est ce que c'est une grosse grippe, voilà. Et maintenant, c'est même plus si gros que ça, en fait, voilà. Bon, BFM corrobore, très bien. Alors, ah bah, vas-y, Fulbert. Ouais. Ouais, vous avez BFM en France. Nous, en Belgique, on a Le Soir, par exemple. C'est un journal papier, à torche-cul, hein, qui a sorti une nouvelle. Il nous annonce le décès d'une nonagénaire qui, paraît-il, n'était pas vaccinée. Et qui a été touché par les deux variants, l'alpha anglais et le delta. Elle est morte donc de ces deux infections combinées. C'est un cas très très rare d'hystémie. quand on lit l'article, on s'aperçoit que la nonagénaire en question est décédée au mois de mars. Et c'est aujourd'hui, à la mi-juillet, qu'on l'apprend. Oh, vous en tirez ce que vous voulez comme enseignement. Oui, alors c'est ça, c'est, elle cumulait le variant, putain, c'est parce que maintenant, ils sont avec les lettres grecques, là. En fait, ah oui. les gens disent, oui, non, mais en fait, c'est pour pas discriminer, c'est ce qu'a dit l'OMS, parce que pour pas dire l'origine du virus, mais en fait, plus personne n'y comprend rien. C'est alpha, delta, c'est complètement abstrait. Moi, on me dit variant indien, je comprends. Variant anglais, je comprends. Variant californien, epsilon, donc aujourd'hui, je comprends. Tu me dis variant epsilon, delta, je comprends rien du tout, je les confonds. C'est imbitable, ouais. Et c'est fait pour ça. Voilà, je regarde l'article précisément, je l'ai sous les yeux. Il dit, j'ai fait une petite erreur, c'est l'alpha qui est britannique et le bêta qui est sud-africain. Bon, ben, elle a raté le brésilien, mais enfin bon. Elle en est morte et on nous l'annonce, quoi, 4 mois plus tard. Ouais. Ok, donc en fait, elle avait les deux variants en même temps. Et est-ce qu'elle est morte, enfin, de manière alléguée, parce qu'on n'est pas là non plus pour vérifier, on ne sait pas, il y a... est-ce que c'est sous l'effet combiné du variant anglais et sud-africain? Comment ça marche? Ça, je n'en sais rien. Parce ouais. que je dois te dire que j'ai la page, l'article qui est partiellement effacé, volontairement, parce que j'ai dépassé mon quota d'heures, mon quota de lecture d'articles sur le soir. Je suis désolé. Alors, je ne vois que le début de l'article. Tu n'as pas payé ta cotisation à la synagogue. C'est très, très mal, Fulbert. Ouais, je ne paye pas de cotisation, non. Je lis simplement. Mais quand tu... il te laisse lire que... si tu fais 2 clics, 3 clics, ça y est, tu ne peux plus y retourner. Quoi. Bah ouais, tu n'as pas payé ta taxe de bon goy. C'est pour ça. T'es un mauvais goy. Et je ne suis pas vacciné, en plus. Eh bah oui, bah c'est ce que je dis. T'es un très mauvais goy, en fait. La totale. La totale. Donc voilà, non mais vraiment l'histoire des deltas et tout là, c'est pour mystifier les gens. Les gens ne comprennent rien. Je veux dire, c'est vraiment fait pour noyer les gens dans l'information en fait. Hein, c'est pas discriminé. Non, c'est fait pour les perdre. Ok. Alors vidéo que j'ai vue cette semaine aussi, c'est en Argentine. Alors vous avez peut-être vu cette séquence aussi où là t'as carrément Je sais pas quoi. Ils sont tous en blouse. Ils arrivent, ils démontent les toits. Mais vraiment, c'est en vidéo. Hein. Ils démontent les toits pour extirper les habitants de leur baraque par le toit. Vraiment. Hein. Pour les piquer. Et t'as les mecs qui sont en tenue d'infirmier, blouse, truc, machin, et pour leur filer une injection. Ahurissant, je veux dire. C'est par la peau du cul et tout. Hein. C'est un... Voilà. Alors ça, moi, j'y crois beaucoup. Alors vous allez me dire, non, mais là, c'est un peu extrême... Gandalf, il assaisonne un petit peu trop fort. Alors, écoutez, je veux bien entendre vos réserves, d'accord. Bon, peut-être qu'en France, pour un public hexagonal, ça sera un petit peu fort de café d'aller attraper les gens par le toit. Et encore. Bon, voilà. Mais bon, je veux bien entendre vos réserves. Ce qui est sûr, et moi j'en suis convaincu, ce sont les divisions de négresse. Des divisions de négresse, soit d'Afrique à fort accent africain, à très fort accent africain, soit les antillaises, nonchalantes, mais non moins arrogantes, sous la direction d'infirmières blanches qui vont faire du porte-à-porte pour aller piquer les enfants blancs. Alors, mais je suis convaincu de ce truc. Ça va arriver. J'ai même envie de dire... Ça va se passer. Ça va se passer. J'en suis sûr. Donc, pas la version argentine, mais pas loin d'eux. Voilà, des négresses qui arrivent à tac, tac, tac, tac, tac. Tu sais, parce qu'ils ont fait passer un décret là, récemment pour permettre à des personnels... Les opticiens sont habilités à piquer les gens maintenant. Les opticiens. Les podologues. Non, mais... Les urologues. Non mais attendez, autant urologue, podologue et tout, c'est vrai que c'est iconoclaste, hein, mais les opticiens, je veux dire. Donc là, voilà, donc ces mecs-là, voulaient, pour piquer, ils piquent. Putain. Ouais. Vous vous souvenez de Sibeth Ndiaye, la Pokémon du gouvernement, là, la Lipoutou du gouvernement. Ouais. Donc la meuf nous a dit « Non, non, moi je suis pas formé pour mettre un masque, hein, alors personne ne met de masque. » Par contre, 2 ans plus tard, les mecs, ils vont dire à des gens qui sont pas formés pour faire des vaccins, pour piquer des gens, bah, qu'ils vont les piquer. Ah ! Alors juste pour vous foutre un petit peu les boules, sachez que des gens sont morts, et ça c'est totalement reconnu, hein, c'est dans la grande presse, c'est pas chez les complotos. Hein. Parce que moi j'ai une distance critique aussi par rapport aux gens qui sont de notre sensibilité sur la question, surtout de la question sanitaire. Il y a des gens qui se font plaisir aussi, des fois qui gonflent un peu, tout, voilà, hein, donc ça c'est un fait. Hein. Mais, il est avéré que des gens sont morts parce qu'ils ont été mal piqués. L'injection a été mal faite. Alors vous allez me dire, elle ne peut pas être bien faite, puisque de toute façon c'est du poison, je suis d'accord. Mais si elle est vraiment mal faite, si elle n'est pas faite au bon endroit, ça peut vous flinguer en quelques jours. C'est arrivé. Alors évidemment, il ne s'étale pas dessus, hein, sur ce genre de cas, quoi. Mais creusez un peu et vous allez voir que c'est vrai, il y a des cas comme ça. Ils ont dit, bah ouais, mais la piqûre n'a pas été bien faite, elle n'a pas été faite exactement comme elle aurait dû l'être, et donc voilà, la personne a eu une mauvaise réaction, elle est décédée, quoi. Pas de bol. Mais ça n'a pas d'importance parce que vous allez de toute façon crever. Ouais, non, mais voilà, mais en plus, il y a un truc là, et ça, c'est sur la philosophie générale de cette vaccination, cette campagne de vaccination terroriste, puisque là, on est dans la terreur pure. En Argentine, ils sont dans la terreur pure, hein. Ils en voient vraiment, c'était en vidéo, hein, c'est filmé, c'est pas du fantasme, hein, c'est filmé. Hein. Donc, t'as des groupes qui interviennent dans les domiciles des gens, ils les sortent de leur domicile, quand la porte résiste, on pète le toit, il faut voir le truc, ils arrachent les tôles. Ils sortent le mec par le caldé et tout, ils le maintiennent, ils lui font une injection. Enfin, on est. Voilà, alors on n'en est pas à ce stade-là en France, mais en Argentine, ils y sont. Quoi. Et sur cette vaccination-là, je suis désolé, ils nous disent oui, mais c'est nécessaire, etc. Parce que. Mais je regardais un docteur américain. Malheureusement, je ne peux pas citer son nom, mais enfin, c'est quelqu'un quand même qui est reconnu. Hein. C'est pas un original, c'est pas. Même pas un conspi, même pas un anti-vax, et il disait grosso modo qu'il y a compte tenu aujourd'hui hein, du taux de mortalité de ces vaccins par rapport à la norme admise pour les autres vaccins, il disait qu'aux États-Unis, grosso modo, au-dessus de 25 à 50 morts pour un vaccin, on arrêtait le programme. Et il disait, je ne sais plus à combien de milliers de morts ils étaient sur ce vaccin-là, mais c'était des milliers de morts, ok. Mais ça c'est très bien documenté, hein. On est vraiment sur des milliers de morts. Même en Europe, je veux dire, on est sur des milliers de morts. Les gens vont dire, ouais, mais bon, et alors, par rapport au nombre de vies, d'abord, c'est que des vieux qui meurent du Covid, je l'ai dit 40 fois, c'est des octogénaires qui en meurent, sauf non, exception. C'est non-agénaire. Ouais, mais je vais pas caricaturer, mais c'est presque ça, effectivement. Il y a quelques septuagénaires, oui, bien sûr, là, et oui, la presse va en faire ses choux gras de quelques vingtenaires. Et pourquoi ils en font les choux gras? Parce qu'il y en a tellement pas qu'il faut bien les mettre en avant. Mais tout ça pour dire que. Grosso modo, quand vous êtes en bonne santé, dans la force de l'âge, moins de 60 ans, plus ou moins, vous ne mourrez pas du Covid, ok? Vous ne mourrez pas. C'est infinitésimal. Oui, mais il y en a quand même qui... Oui, il y en a aussi qui meurent de la grippe, des gens de 20 ans qui meurent de la grippe, et de tas d'autres maladies, ça arrive, effectivement. Du tétanos et je ne sais quoi, et personne n'en parle. Et donc, ils essayent de vendre ce truc-là, en disant, voilà, mais après tout, c'est pas si grave. Oui, il y a des effets secondaires, oui, il y a des morts, mais... Écoutez, comparez les chiffres. Oui, moi, je compare les chiffres et je regarde les standards admis pour les autres vaccins et je regarde ceux qui sont appliqués aujourd'hui. Il n'y a pas de standard. Il n'y a pas de standard appliqué. Le truc est encore en test. OK ? Jusqu'en 2023. Il est encore en test. Il y a des milliers de morts et on est censé fermer les yeux. Oui, mais c'est pas si grave, etc. Bah, si c'est pas si grave, pourquoi on s'arrête à 50 morts, 25 ou 50 morts pour les autres programmes de vaccination ? Pourquoi ? Ils sont psychotiques, les mecs ? Je sais pas. Comment ça se fait ? Vous voyez ? Non, mais le problème, c'est que dans cette histoire de Covid, en fait, il n'y a aucune règle qui est respectée. Aucune. C'est le Far West. On ne devrait pas vacciner en plein milieu d'une épidémie. On le fait. Rien, il se passe rien de normal. Exactement. Et alors, l'argument, et moi je veux démunker ça, et vraiment, parce que c'est plus possible. Et j'écoutais le professeur Raoult, on va revenir sur le cas du professeur Raoult. Mais le professeur Raoult a eu cité des choses qui sont factuelles. Ok, c'est... peu importe ce qu'on peut penser du personnage, il a cité des choses qui étaient factuelles. Et il parlait d'AstraZeneca, il disait « AstraZeneca, les femmes de moins de 50 ans, faut pas le faire. Ok, vous avez des AVC, des problèmes de coagulation du sang, ça se passe très très mal, il faut pas le faire. » Et c'est avéré, c'est un fait. Et il y a des pays, il y a des nations entières qui abandonnent AstraZeneca, notamment pour cette raison. Donc c'est pas du fantasme, c'est pas du délire. Et les mecs, ouais, la réaction des pouvoirs publics, c'est-à-dire, enfin, pouvoir organisé, c'est de dire, ouais, bien sûr, mais statistiquement, quand même, les avantages du vaccin, ils sont quand même bien supérieurs. Mais moi, je pose la question, qui suis potentiellement un vacciné, de gré ou de force, je m'en fous de leur argumentaire, j'ai pas envie de jouer à la loterie avec ma vie. Ok, je m'en fous qu'on me dise, oui, mais tu sais, c'est une minorité de la minorité, tu ne risques rien, enfin, pas trop, oui, il y a des problèmes, mais pas trop. Mais moi, je m'en fous, parce que si c'est moi qui gagne la timbale, qui c'est qui va me dédommager? Une fois que je suis entre quatre planches, qui va me dédommager? Si je reste, j'en sais rien, paralysé à vie, qui va me dédommager? Si je perds la vue, qui va me dédommager? Je veux dire, s'il m'arrive un problème sérieux, lourd, définitif, qui va me dédommager? Personne. Pourquoi? Parce que tous ces laboratoires ont pris soin de signer une décharge de responsabilité avec tous les gouvernements avant de diffuser leur substance là. D'accord? Donc contre qui je me retourne? Contre l'État français? D'accord. L'État français va me rembourser à quelle hauteur? Il va me filer quoi? 30 000 euros après 10 ans de procédure? Parce que comment dire, je suis plus foutu de marcher ou parce que je suis en train de dégénérer à feu doux? Écoutez. Moi, c'est ce que je veux dire aux gens. Votre génétique, elle est entre vos mains. Votre santé est entre vos mains. Là, actuellement, vous êtes le maître de votre organisme. Vous êtes le maître de votre vie. C'est entre vos mains. Ça, c'est à vous, ça vous appartient. Ces gens-là qui disposent de vos vies, ils n'en ont rien à foutre. Vous êtes une statistique. Si demain vous mourrez, ils n'en ont strictement rien à foutre. Si vos gamins demain meurent, ils n'en ont strictement rien à foutre. Okay, ils diront, c'est malheureux, c'est triste. Voilà, vous aurez un communiqué brièvement comme ça du ministère de la Santé ou de je ne sais qui. Et puis ensuite, on passera à autre chose. Sauf que vous, de votre point de vue, qui est de l'autre... Vous êtes à l'autre bout, en fait, de cette statistique. Votre conception, votre perception du problème est sensiblement différente. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous remettez votre destin dans les mains de ces gens-là, de Jérôme Salomon, de Hirsch, de Crémieux, de toute cette bande de juifs. Vous allez faire ça, sciemment, vous allez faire ça. Vous allez, simplement parce que vous dites, ouais, mais j'ai envie d'aller au restaurant, j'ai envie d'aller en vacances, vous allez faire ça. Bah, très bien, si vous le faites, vous êtes mûr pour l'abattoir. Mais moi, je vous dis un truc, moi, je le fais pas. C'est ça qu'on n'explique pas aux gens. On leur dit, oui, oui, y a des risques. Non. Si toi, tu te prends le truc dans la tête, c'est pas un risque. C'est fini pour toi. C'est terminé. Et si c'est pas pour toi, c'est pour ta femme, c'est pour tes enfants, pour tes petits-enfants. C'est ça qu'il faut avoir en tête, ok? Contre qui tu vas te retourner? Qui va réparer les problèmes qui adviendront? Qui? Qui? Qui? Oui, la championne de planche à voile, Lise Vidal, a réfléchi différemment, elle qui donc avait tweeté il y a quelques mois pour dire que les vaccino-sceptiques étaient dans l'erreur, qu'il fallait se renseigner un peu pour savoir que les injections de vaccins suffisaient à vaincre des maladies, tout ça. Bon, on a appris son décès à 43 ans, donc suite à une hémorragie cérébrale. Donc elle a, puisqu'elle était favorable au vaccin et qu'elle avait eu la possibilité de le faire, elle l'a très, très, très probablement fait. Donc voilà, bah, elle est morte à 43 ans, alors que si elle ne l'avait pas fait, elle aurait peut-être pu vivre 40 ans de plus. Hein. Donc elle a fait ce choix et bon, voilà. Ça, c'est caractéristique, c'est la façon dont les gens meurent. Hein. Arrêt cardiaque, enfin, infarctus, ou bien hémorragie cérébrale. Enfin, tu sais, des trucs, tu sens qu'il y a anguille sous roche, quoi, tu vois ce que je veux dire. Oui, il est rare, ça peut arriver, mais enfin, de mourir à 40 ans. Il y a beaucoup de gens connus en ce moment, tu vois, qui se font vacciner, qui ont des hémorragies cérébrales. Enfin, je sais pas quoi. Vous avez la personne handicapée, vous savez, c'est un commentateur sportif qui avait des problèmes. Je crois qu'il souffrait de la mucoviscidose, me semble-t-il. Filou, quelque chose. Ben, ouais. Un personnage assez haut en couleur, assez. Voilà. Et. Qui avait un rapport à la médecine, évidemment, conditionné par sa propre expérience de vie, tu vois, je juge pas. Je dis simplement, tu vois, lui, il a acheté à fond le discours médical. Il a dit, ouais. Et le type va, la France jouait contre je ne sais plus quelle équipe. Et puis, il va se coucher, faire une petite sieste après le match. Et il ne se réveille pas. Alors, on va me dire, ouais, mais mucoviscidose, etc. Oui, d'accord, mais voilà. Bon, ça fait beaucoup. Un autre truc qui a été relevé aux États-Unis. Hein, je ne sais plus quel vaccin c'est, d'ailleurs. C'est peut-être le Pfizer. Si c'est pas ça, c'est peut-être un autre. De toute façon, c'est des gens vaccinés, des jeunes, hein, des jeunes garçons vaccinés, quoi. Donc myocardite, inflammation du cœur. Donc évidemment, les mecs qui disent, j'ai regardé les réactions, ils disent, oui, mais ils en faites pas. Oh là là, au bout de 3 jours, les mecs s'étaient remis sur pied, traitement et tout, voilà, d'enfer. Bon, moi, si tu veux, tu me fais un vaccin. J'ai le cœur qui commence à s'inflammer. Et qu'on me dit, ouais, non, mais c'est pas grave, c'est cool. Moi, je suis là, ouais, non, c'est pas cool du tout, en fait. Moi, je suis, non, c'est pas cool. Il y a la petite de 14 ans aussi, là, dont la mère l'a inscrite au test, pour la vaccination volontaire pour les jeunes. Et la mère, c'est une dame qui travaille dans le médical, son mari, c'est je sais plus quelle science. Et la femme, elle est tellement en dissonance cognitive qu'elle est capable de dire, alors que sa gamine de 14 ans est dans un fauteuil roulant à cause du vaccin, à cause de la vaccination, que la fille, elle est obligée d'être alimentée par un tube, qu'elle peut quasiment plus, enfin, elle doit pouvoir bouger la tête ou un peu les bras, je sais plus. Enfin, la gamine, c'est une fille normale, hein. Elle avait la vie devant elle. Hein. Et la mère, elle est encore en train de chialer, elle chiale sur les plateaux. Elle chiale devant la caméra en disant « Oui, ma fille, machin !» Et 30 secondes plus tard, elle te dit « Mais je crois en la science et je crois en la vaccination. » Là, ouais, moi, je peux plus, quoi. Là, c'est... Écarissage, je soutiens. Mais, c'est du bétail, en fait. Hein. Tout à fait. Et, la myocardite, le problème est ça, il faut... Parce que j'ai vu les articles, « Ouais, mais traitement. » Non, pas traitement. Non, pas traitement. Oui, tu peux mettre un terme à l'inflammation, mais les dommages sur le cœur sont très réels. Et il y a de fortes probabilités qu'une personne qui subit une myocardite enchaîne avec un infarctus fatal. Ok, donc non, c'est pas une balade en forêt, non. Si tu fais une myocardite, c'est mal engagé, très très mal engagé. Surtout si t'as 20 ans, quoi. Faut arrêter. Il y a une banalisation. Enfin, c'est évident. Enfin, il suffit de regarder. La banalisation qui est aujourd'hui orchestrée par tous les médias sur tous les problèmes qui sont engendrés par cette vaccination de masse sont absolument anormales. Enfin, c'est anormal, ça ne devrait pas avoir lieu, d'accord ? Les gens qui ne comprennent pas quelque chose qui ne tourne pas rond, pour le coup, méritent ce qui va leur arriver, quoi. Alors oui, non, tout le monde ne meurt pas, oui, tout le monde ne meurt pas, d'accord, ok, très bien, tout le monde ne meurt pas. Mais attention. Et regardez le programme là. Alors Castex a parlé de troisième dose. Ça c'est génial. On en avait plus ou moins parlé, mais ça c'est officiel. On avait annoncé ça il y a des mois. Au mois de janvier, le juif Bourla de Pfizer avait dit 3 doses seront nécessaires. On en a parlé sur le site. On en a parlé dans l'émission. On est au mois de juillet, 6 mois plus tard. Castex arrive. Ah oui, voilà, la troisième dose. Mais écoutez. C'est pas la peine de se renseigner auprès du gouvernement français si vous voulez avoir des informations. 6 mois avant, les juifs vous les donnent, les informations. Faut aller à la source, d'accord ? Faut aller voir les juifs, ils vous donnent la carte, ok ? Moi, c'est ce que je fais. Je vais voir les juifs. Je m'intéresse pas aux sous-fifres. Hein. Donc, je vais voir les juifs, je leur demande ce qu'ils veulent. Et ils me répondent, généralement, très généreusement. Ils me disent exactement ce qu'ils veulent. Et voilà. Donc, troisième dose. Là, dans la presse, si vous suivez, ils parlent de la quatrième dose du même vaccin, parce qu'il marche pas. Le truc marche pas, donc on t'en fout 4 doses, avec la facture qui va avec. Et ensuite, on va dire, ouais, non, mais en fait, on a un nouveau vaccin. Il est encore mieux. Il est vachement mieux. Il est super mieux. C'est le top du top du top de la technologie. Le truc qu'on avance, c'est déjà vraiment bien. Mais là, c'est le summum du supra du summum. Par contre, il va falloir 4 shoots. Hein. Ok, hein. Voilà, bon, mais 4 shoots et après, c'est bon. Quoi. Donc, 4. C'est, chez les gens, c'est des golems, ils réagissent plus, là, c'est de la viande morte. C'est de la viande, point barre. J'ai quand même vu des réactions, une note d'espoir quand même, sur l'annonce de Castex avec sa troisième dose. Donc, j'ai regardé les réactions, notamment sur les réseaux sociaux, de gens vaccinés, hein, pas de gens qui ne refusaient la vaccination. Et les gens disaient, bon, non, c'est bon, j'en ai fait 2, ok, vous avez vu que j'en fasse 2, pas 3, allez vous faire enculer. C'est-à-dire que là, tu vois, il y a une espèce de... Les gens disent, attendez, ouais, bon, attendez, où vous nous menez, là ? Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde va se révolter, hein, parce que je pense qu'ils peuvent encore foutre une troisième, une quatrième, voire même une cinquième. Mais il y a une usure progressive, quand même. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Troisième dose. Ah ouais, effectivement, troisième dose, quatrième dose, nouveau vaccin, 5, 6, 7, 8, 10, ça fera un compte rond. Bon, ça ne finira jamais. Hein. Bon, j'espère que les gens vont se rebeller. On voit des signes comme ça, mais bon, je croise les doigts vraiment, parce que là, c'est un peu le moment de kéros, hein, c'est le moment de la révélation. Ça passe ou ça casse, c'est le moment de s'énerver. Je suis pas très optimiste, bizarrement. Bizarrement, non, moi ça me surprend pas de ta part parce que t'es plutôt naturel, un peu pessimiste. Bah ouais, non, mais tu sais ce qu'on te répond à ce moment-là. Et donc, je ne suis pas pessimiste, je suis Oui, réaliste. oui, Et donc voilà. Mais bon, je croise les doigts, je touche du bois, etc. De la peau de singe. Ah non, non, pas de la peau de oui. singe. Comment dirais-je? Est-ce qu'on peut rapidement parler un petit peu de Raoult? Vous avez vu qu'il a fait un revirement à 180 degrés, qui s'explique en fait, hein, je pense que ça s'explique assez bien, puisqu'il a publié un tweet dans lequel il appelle à, en fait, il appelle tous les personnels soignants à se faire vacciner. Hein, pour lui, c'est clair, c'est l'évidence. Je suppose que vous avez une explication là-dessus. Moi, j'ai des biscuits. C'est pas un secret d'État, hein, mais voilà. Sur Raoult et sur ce revirement, d'autres diront non, mais en fait, il a toujours dit ça. Enfin, qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, déjà, il faut comprendre que Raoult, c'est un patron d'un très grand hôpital, d'un très grand centre de recherche. C'est pas un médecin lambda. C'est un mec qui a un certain grade dans le système. Je pars du principe, étant un bon complotiste, que quand les mecs sont assez hauts dans le système, faut se méfier. Vous voyez? Parce qu'on monte pas les grades comme ça, sans donner des gages, avoir des allégeances, être dans des réseaux. Donc jusque-là, il a joué le dissident. Là, il commence à retourner sa veste. On va voir dans la suite, mais je pense que c'est que le début d'un long, long retournement de veste. Voilà. Quelqu'un d'autre là-dessus? Je me souviens d'un très beau passage où il crachait bien sur les jeunes blancs en expliquant tous les mérites de ces jeunes du Maghreb qui, eux, bossent trois fois plus pour s'en Ah ouais, sortir. non, mais. Alors Voilà. ça j'adore. Il y a aussi Excusez-moi. le. Non, pas de problème. Il y a aussi le fait que c'est un boomer. Donc il est marqué générationnellement. Et son discours est marqué générationnellement. Donc ça commence à faire beaucoup, hein. Boomer, négrophile pathologique. Marié à une juive, voilà, il crée un institut, c'est l'Institut Méditerranée. Enfin, voilà, et là tu regardes le logo, la Méditerranée, alors l'Afrique du Nord, Israël, la Turquie, enfin, tu sens que sa passion c'est vraiment le Sud, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens marrons autour de lui, sinon ça va mal. Bon, écoutez, soyons sérieux, la science n'existe pas en Afrique, ça n'existe pas en Orient, je ferai une exception par Israël. Par honnêteté intellectuelle, mais en dehors de ça, il n'y a rien. Et quand on s'amuse à faire un logo là-dessus en mode l'avenir de la science, c'est la Méditerranée, je veux bien pour la Méditerranée du Nord, certainement pas du Sud. Donc ce type est un escroc intellectuel pour commencer sur ce simple sujet-là. Et je passe d'autres choses. Voilà. Mais il avait eu Oui, la préscience de nommer son institut Méditerranée Infection, ce qui est plutôt bien senti. C'est plutôt bien senti. Je résumerai assez à ça d'ailleurs la Méditerranée. Alors, les gens vont me dire non, mais la Méditerranée, l'Empire romain, Rome, la Grèce. Oui, d'accord, très bien. Il y a très très longtemps, il y a 2 millénaires, effectivement, c'était autre chose. Aujourd'hui, j'appellerais ça Méditerranée, effectivement, Infection. Et je fais immédiatement une association d'idées avec SOS Méditerranée. Donc voilà, donc le personnage ne me convient pas, ne m'a jamais convenu. Voilà, après, si on me donne des faits, s'il dit des choses qui sont factuelles, je les accepte, peu importe la qualité du messager. Mais aujourd'hui, et encore cette semaine, je regardais sa vidéo où il récusait, comme je le disais, hein, la vaccination pour les femmes de moins de 50 ans à l'AstraZeneca, nous allons avoir là quelqu'un qui dit, grosso modo, que les femmes de moins de 50 ans qui sont des personnels soignants vont devoir se faire vacciner, peu importe le vaccin. Ah bon? Donc il va. Pourquoi? Excusez-moi, mais pourquoi? Pourquoi maintenant il va dire l'inverse de ce qu'il a dit encore cette semaine? On est d'accord, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. j'ai un début d'explication, je dois le citer. On est sur du de l'officiel, la Provence. En fait, le père Raoult, eh bien, il a de nouveaux chefs. Alors voici ce que nous dit la Provence. Dans une interview parue ce matin dans La Provence, François Crémieux, alors Crémieux juif, hein, CF, décret Crémieux, quand la maçonnerie, avec l'aide de la juiverie alsacienne, a fait, comment dirais-je, régulariser les immigrés juifs en Algérie pour les faire passer en France ensuite, hein, pour ceux qui ne comprendraient pas l'histoire profonde de France. Beaucoup donc, de Zemmourix. Zemmourix, bonjour, décret Crémieux. Donc voilà, donc François Crémieux, nouveau directeur de l'APHM, revient sur les relations de l'AP et de l'IHU, donc le fameux institut de Raoult. Pendant toute la crise du Covid, malgré les polémiques, la direction générale de l'APHM ne s'est jamais positionnée sur la stratégie de l'IHU ni sur la communication massive et très autonome du professeur Didier Raoult. Quelle sera votre règle de conduite? En sachant donc que le juif Crémieux, nouveau boss à Marseille de la santé, a été envoyé sur place par le juif Hirsch. Ok ? Ce sont les juifs en action. Je vais traiter cette question, dit donc Crémieux, de la même manière que je traiterai toutes les autres questions similaires avec les services donc concernés. Quand on s'exprime au nom de l'institution, on s'exprime avec l'accord de l'institution. J'entends appliquer cette règle à tout le monde. Quand on fait de la recherche, on le fait dans le respect de l'ensemble des règles qui s'appliquent à la recherche clinique. Quand on prescrit des médicaments, on le fait conformément aux recommandations de l'AHAS et des sociétés scientifiques. Je pense qu'il faut revenir à cela et s'y tenir. L'objectif est aussi d'assurer l'avenir de l'IHU. Bon, comprenez, derrière cette épaisse couche de langue de bois, dorénavant, la communication donc de l'institut que préside Raoult sera étroitement contrôlé par le juif Crémieux. S'il n'est pas content, Raoult sera viré. Très simple à comprendre. Très simple à comprendre. Reprise en main totale. Didier Raoult a-t-il, selon vous, toujours sa place à la tête de cet institut? Je souhaite des relations saines et transparentes entre l'APHM et l'IHU autour des mêmes principes de droit commun qui s'appliquent à toute l'APHM. Puisque ces sujets ont pu faire polémique, je serai attentif aux conditions de travail ou à la stratégie de l'Institut en ma qualité de directeur de l'APHM, membre fondateur et partenaire de l'IHU, mais aussi en ma qualité et membre du conseil d'administration de l'IHU. Si cela devait être précisé, l'IHU ne bénéficie pas d'un droit d'exception dans aucun des domaines qui relève de ses missions. Voilà, fin de partie. Ok, Raoult, tu vas maintenant fermer ta grande gueule. Ça, c'était il y a 3 jours. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Raoult est converti. Il est converti à la vaccination de masse. Il est converti, le père Raoult, il est converti. Extraordinaire, extraordinaire, il a vu Yahvé. Voilà. Alors, il y a un autre sujet, c'est Monsieur Fouché. Quid de Louis Fouché, anesthésiste, réanimateur de la conception, c'est le nom de l'hôpital où il officie, quoi, devenu une des figures complotistes, anti-vaccins et anti-masques sur les réseaux sociaux. Réponse, la même règle s'applique, dit le juif Crémieux. J'ai un désaccord clair avec Louis Fouché, dont le discours sur les vaccins conduit à perturber la compréhension des enjeux de la vaccination de nos concitoyens, y compris de nos professionnels de l'APHM. Nous avons lancé un appel à la vaccination des hospitaliers par des hospitaliers pour témoigner du fait que la prise de parole d'une personne, aussi médiatique soit-elle, sur les réseaux sociaux, parle-t-il des juifs, monsieur Crémieux, je m'interroge, n'emporte pas la parole de l'APHM ni du plus grand nombre. Louis Fouché n'a en aucun cas à s'exprimer à quel titre que ce soit au nom de l'APHM et j'y serai extrêmement vigilant. Comprendre, Fouché sera bientôt au chômage, en retraite, pré-retraite, peu importe, avec un coup de pied dans le cul, un très beau coup de pied dans le cul, signé Israël. Voilà. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, je ne sais pas comment leur expliquer, sous quel format, est-ce qu'il faut, je sais pas, Mondiovision, éventuellement, fax, télégramme, je sais pas, courrier diplomatique, il faudra peut-être se renseigner. Mais voilà, la reprise en main est totale, Didier Raoult, over, terminé, c'est fini, si jamais il ouvre sa gueule, il n'y aura plus de financement, il sera débarqué de sa présidence, c'est fini, voilà, oubliez ça. De la même manière, Fouché, qui je crois sera un peu plus assistant, sera remercié, on va lui dire, ok, bon maintenant, Pépé, t'es bien gentil, tu es en retraite, voilà. Et Crémieux et Hirsch reprennent la boutique en main. Et là, on va vous dire, ok les gars, vaccination totale, du Pfizer, du Pfizer, du Pfizer et du re-Pfizer. 4 doses pour commencer. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Vous les voyez tous sortir, hein, je veux dire. Le juif Kouchner. J'invente rien, cité par le Figaro. Aujourd'hui même, hein, dimanche. Hein. C'est notre seul allié. Face aux réticences de certains Français à la vaccination, Bernard Kouchner, interrogé dans le JDD dimanche 11 juillet, s'est montré rédhibitoire sur l'urgence de la vaccination. Nous n'y arriverons pas sans ces injections. Pas facile à dire. Selon Kouchner, hein, l'obligation vaccinale est l'unique solution pour mener la guerre contre le virus. Alors que la campagne vaccinale tend à s'essouffler, le vaccin sera-t-il bientôt imposé à tous? Croyez-moi, ça sera fait, a attesté l'ancien ministre de la Santé, expliquant qu'il s'agira de le mettre en place avec des nuances au début. Selon le site Covid Tracker, le rythme actuel de vaccination évalué sur les 15 derniers jours permettrait d'atteindre l'objectif de vacciner l'ensemble de la population adulte fin novembre. Seulement, face à ce ralentissement qui alerte les autorités sanitaires, Bernard Kouchner s'est montré très ferme envers ces derniers, donc, qui refusent l'injection. Il faut mener la bataille de la conviction, il faut les bassiner avec les arguments, les persuader, a-t-il exhorté, accusant ces personnes d'être, je cite, sinon des déserteurs, au moins des alliés du virus. Face à l'ennemi universel, je cite, qu'est le coronavirus, le médecin cofondateur de Médecins Sans Frontières, c'est souvent sans frontières avec les juifs, et de Médecins du Monde, oui, les juifs ont de l'ambition, ils voient au niveau planétaire, a appelé à une mise en commun des efforts à l'échelle mondiale. Jusqu'à présent, pour lutter contre le Covid, nous n'avons pas été assez unis, même au sein de l'Europe, a-t-il déploré. Nous, pays riches, nous ne pouvons nous contenter de nous battre pour nos concitoyens. Donc il veut aller au-delà, hein, expliquant que la bataille doit être menée partout, comme ce fut le cas pour le sida. Hein. Cette bataille internationale reviendrait notamment à déclarer le vaccin bien public mondial, une question de morale et d'éthique selon le médecin. J'aime quand le juif Bernard Kouchner nous parle de morale et d'éthique, j'adore ça, ça fait tellement de bien à l'âme. Brièvement sur Kouchner, morale, éthique, Bernard Kouchner. Oui. La vente des organes. Mais vous êtes malade, non? J'ai une tête à vendre des organes, moi. Est-ce qu'il a une tête à vendre des organes, selon vous? Il a un nez à vendre des organes. Je pense qu'il a une génétique à vendre des organes. Fulbert. En tout cas, il a une gueule à empoisonner les puits. Et je dirais que les empoisonneurs ont modernisé leur méthode. Effectivement. Alors Kouchner, il faut le savoir, rappelons l'essentiel, puisque les gens ne le savent pas nécessairement. Malheureusement, les médias aussi, tenus par les mêmes, n'insistent pas assez sur ce point. On nous dit, voilà, il est fondateur Médecins du Monde, nous dit le Figaro, propriété de la famille juive Bloch, dit Dassault pour les Goy. Accessoirement fondateur de ce qu'on voudra, mais il est d'abord et avant tout le dépeceur du Kosovo serbe, livré à la mafia musulmane albanaise pour en faire un état narcotrafiquant. D'accord, ça c'est la réalité, hein, au nom de l'OTAN. Donc c'est un agent de l'OTAN, Kouchner. Et donc sur place, à l'époque, il y avait déjà des rumeurs, hein, qui commençait à remonter à la surface sur des questions, des histoires donc de trafic d'organes. C'est-à-dire qu'on attrapait des Serbes et on les découpait vifs pour revendre leurs organes sur le marché noir international. Et notamment, et il faut le souligner, à destination d'Israël, puisque Israël consomme énormément d'organes. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. D'ailleurs, Simone Veil a fait passer une loi qui permet de déposer des Français tout à fait légalement pour envoyer des organes directement en Israël dans des bacs à glace. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Non. Tout à fait, ouais. Il y a des accords d'échange. Ouais, il y a des accords pour dépecer les Français et envoyer des morceaux en Israël. Ça intègre les enfants, bien sûr. Moi, je sais que les choses sont complètement normalisées aujourd'hui, mais enfin, j'explique quand même aux Français qu'ils sont vendus à la découpe en Israël, quoi. Et donc, oui, mais c'est pas réservé à la France, ce traitement, c'est aussi le cas donc au Kosovo, puisque donc dans la grande campagne de démantèlement de la Serbie, il fallait aussi s'en prendre à quelques provinces. Et alors, autant faire d'une pierre deux coups et s'emparer des populations civiles et se mettre en fait à les vendre aussi en morceaux. Et les Juifs aiment bien couper des morceaux de d'enfants blancs. C'est leur truc, ils aiment beaucoup ça. Et alors, ils sous-traitent, par contre, notamment avec des Albanais. Et alors, comme le trafic avait pris une telle ampleur, les rumeurs avaient été tellement insistantes, la séquence que vous avez entendue, c'est ça. C'est en 1900, fin des années 90, Kouchner, donc proconsul de l'OTAN sur place au Kosovo, interrogé, alors monsieur, rumeur, oh voilà, hein, la route spa. Sauf que c'était vrai. Tout était vrai. Et tout a été prouvé depuis. Il y a eu des enquêtes internationales, ça a été reconnu par les instances internationales. C'est complètement avéré depuis. Oui, trafic d'organes international couvert par Kouchner, cul et chemise avec la mafia albanaise, ce sale juif. Donc, nous avons ce crochu Kouchner, et qui donc a couvert du trafic d'organes pour bénéficier à de vieux juifs millionnaires en Israël, donc sur le corps hein, d'enfants blancs tués hein, donc, dans les Balkans, qui nous explique en fait qu'il est totalement normal et obligatoire de vacciner la population, parce que sans quoi nous sommes des salopards, nous sommes des déserteurs, des alliés du virus, hein, voilà. Donc il faut que nous acceptions de nous soumettre à Pfizer, aux juifs. Quelque part, on est des collabos. Mais nous sommes des collaborateurs, nous sommes des collabos, nous sommes des traîtres. Voilà, donc ça c'est le juif Kouchner, cul et chemise avec le juif Bourla de Grèce, le patron de Pfizer. Voilà. Qui ne comprend pas ce qui se passe? Je ne comprends pas. Le juif Crémieux, le juif Kouchner, du Salomon, du Hirsch, du Lévi, hein, du Buzyn. Mettez-moi du Buzyn, s'il vous plaît, mettez-moi du Buzyn, beaucoup de Buzyn. Voilà, du juif, du Fischer, Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement, juif. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas d'antisémitisme totalement débridé dans les rues de France. Ah ben, je pense que s'il y avait un travail de réinformation, qu'on les nommait, comme on le fait ici, oui. Mais comme ils sont jamais désignés pour ce qu'ils sont, qui les gens ne voient pas. Qui, monsieur? Moi, j'ai toujours dit le meilleur moyen pour faire un antisémite, c'est très très simple. Il suffit de commencer à compter les juifs. Quand vous voyez une personne à la télévision, dans tel endroit, est-ce qu'il est juif ou pas? Oui, ça fait un. Ouais, l'autre, non. Bon, l'autre, ah oui, celui-là, oui, deux. Et quand vous commencez à compter, bah, vous finissez la démocratie participative. Et moi, je voulais vous dire un vrai projet d'avenir. Voilà, je suis encore une fois prophète à mon pays. On dit qu'on n'est pas prophète en son pays, mais pour une fois, je vais l'être. Il nous faut une application. Nos auditeurs, là, qui sont des cracks en informatique, là, il nous faut une application qui applique un filtre sous toutes les têtes des juifs qui passent sur un écran. OK ? Ils deviennent bleus. Non, OK ? Bleu, c'est bien. Ça ressort. Moi, j'ai toujours dit ça. Si tous les juifs étaient bleus, tout le monde serait antisémite. Il nous faut ce filtre automatique à implémenter dans le moteur de recherche, OK ? Ou une application quelconque. Mais il nous faut ce truc-là. Il faut le mettre en place au niveau global. En plus, il y a moyen de faire des sous. Je ne parle pas de nous, mais je parle des programmeurs. Donc voilà, vous avez un vrai concept totalement révolutionnaire qui peut cartonner dans le monde entier, un filtre bleu pour les juifs qui passent sur un écran. Voilà, je l'ai dit, je ne réclamerai pas de royalties, d'accord ? Pas de royalties, pas de propriété intellectuelle. Le simple fait de rendre la vie infernale pour les juifs me compensera très amplement, soyez-en assurés. Voilà. Filtre alors, bleu pour les juifs. Il y avait ce module que moi j'aimais beaucoup, qui s'appelait Coïncidence Détecteur, et qui permettait chaque fois qu'un nom de juif était cité, de le mettre avec trois parenthèses. Exactement. Ça, c'est une première étape. Il faut très bien. Ils l'ont ensuite complètement viré de... C'est marrant, ils aiment pas la concurrence en fait à ce moment-là. Tu sais, ils sont ultra capitalistes, et quand t'aimes bien la concurrence libre et non foncée, comme dit l'expression, là ça marche plus avec les juifs quoi. D'un coup là ça devient très très très très peu libre et très très faussé. Donc, oui, non, mais bien sûr. Ils l'ont viré de tous les, genre, le Play Store et compagnie, quoi. Enfin, ça a été complètement jarté. Non, c'était dans les modules Firefox, mais oui, ça a été. Ouais, aussi ça, mais alors, il faudrait trouver la parade. C'est-à-dire qu'il faudrait que ça passe, il faut que ça marche sur toutes les machines, quoi. Les moteurs de recherche et tout, mais que ça puisse pas être censuré. Ok? Et ça, s'il y a un projet à mener au 21e siècle, c'est absolument ça. Mais je vous dis, tout le reste, ça sert à rien, ok? Je sais pas quoi, les programmes pour des avions de chasse ultra, tout ça sert à rien. C'est vraiment, il y a un seul programme d'armement 21e siècle que n'importe quel écran montre un juif de couleur bleue. S'il vous plaît, faites-le. Vous êtes intelligent, vous êtes un programmeur, vous êtes un génie de la programmation. S'il vous plaît, faites-le. Non, faudrait juste un virus. Un virus qui s'installe automatiquement et qui, chaque fois qu'il détecte. Un Cohen, qu'effectivement le mec soit bleu et qu'il y ait, je sais pas, une étoile qui clignote quelque part, que ça chante Am Israël Aïe, un truc dans le genre, quoi. Ouais, un truc très, très, très discret, vraiment le filtre, mais avec un wiki collaboratif, si tu veux, pour repérer tous les juifs, en fait. C'est-à-dire que tu peux rentrer les noms, en fait, dire ouais, mais lui c'est un juif, lui c'est un juif, lui c'est un juif, lui c'est un juif, ouais. Voilà, un vrai projet du 21e siècle. Nous pouvons le faire, avec de la blockchain et tout. Ouais, j'imagine un truc hyper. Pourquoi pas encore plus fort que ça? On inventerait comme ça un produit, tu vois, qu'on injecterait aux juifs et qui les rendrait vraiment bleus. Avec des boutons en forme d'étoile jaune. Alors, moi, au niveau. On pourrait le diffuser, par exemple, sous forme de vaccin. Alors, moi, niveau programmation novatrice, hein, je reprends tout le système qu'ils sont en train de promouvoir actuellement. Vous savez, passe sanitaire, interdiction d'entrer dans les établissements publics, machin, etc. Sauf que ce serait limité aux juifs. Une étoile jaune. Numérique. Voilà. Moi, je défends ça. Je veux ça. Je veux ça et que ce soit visuel aussi. Voilà. Novateurs, soyons en phase avec notre époque. Voilà. Reprenons leurs armes et appliquons-les aux juifs. Voilà. Très bien. Passe sanitaire exclusivement. Bah, en même temps, c'est bien. C'est sanitaire. Hein, je veux dire, pour moi, le seul virus réel aujourd'hui dans le monde, c'est le juif. Hein. Il y en a quelques autres. Je vous l'accorde. Il y a le virus musulman et il y a le virus né. C'est vrai. C'est sûr. C'est certain. Mais le virus juif, quand même, quoi. Quand même. Est-ce qu'on reste sur cette proposition-là aujourd'hui pour cette semaine? Ambitieux projet. Ambitieux, très ambitieux projet. Mais le futur est à nous. Voilà, le futur est à nous. Jeune programmeur blanc, tu ne sais pas quoi faire de tes week-ends, tu as désormais trouvé ton programme. Repeins en bleu l'envahisseur pour que David Vincent les reconnaisse. Voilà. Ils sont parmi nous. À ce détail près qu'ils ont le majeur beaucoup plus long que le nôtre. À la semaine prochaine, chers amis. À la semaine prochaine.